Ce podcast vous est présenté avec l'aimable participation de Chauveland. Coucou, tu veux voir mon gros sponsor ? Et également des chapeaux Stetson. Ouais, sponsorise-moi. Bonjour, bonjour à tous, one again a beast to fly. Bonjour, bienvenue en ce mois de septembre. Septembre, je crois. Je pense que nous sommes en septembre, n'est-ce pas? On va essayer du moins de le sortir en septembre pour ce numéro 2 du BGS. Bonjour Chauve. Bonjour Charles. Bonjour Luc, bonjour Marc. Bonjour Marc, de quoi vas-tu nous parler? On va faire un débat. Un débat sûr. Tu peux alors, le titre officiel c'est le jeu vidéo, un art, une culture ou une simple industrie. Ça promet d'être intéressant et épique, n'est-ce pas, monsieur Stetson? Taliban interdit. Taliban interdit, non, mais alors il n'y a plus beaucoup de jeux vidéo. Bah, alors bonsoir Stetson. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, il est 14h10. Tout dépend à quelle heure les gens nous écouteront, évidemment. De quoi vas-tu nous parler, Stetson? De la Gamescom 2010. De ton petit séjour à la Gamescom? Voilà. Sans nous. Sans nous, oui. Je leur ai proposé, hein, mais ils voulaient pas. je ne me souviens pas de cette proposition. Ah non, mais moi je lui ai pas proposé. D'accord. On va dire que oui. Ensuite, moi, donc, je ferai un petit jeu. Alors, je vous annonce, comme ça, vous savez. Dans un premier temps, il y aura un petit quiz pour les 25 ans de Mario. Mm-hmm. Et dans un deuxième temps, un petit blind test avec des musiques générées de bits. Un quiz sur Mario, ouais. Sur l'univers Mario. Sur l'univers Mario, mais un peu spécial, un peu... Tu verras. Tu verras. Mm-hmm. Et on verra qui remportera le duel entre vous deux. Moi. Round one, fight. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez une petite quelque chose à dire en particulier. Quelque chose de neuf, quelque chose de... Oui, la stagiaire est revenue. Je ne l'ai pas encore revue, donc je vous dirai quoi la prochaine fois. Donc ton prochain coup de cœur, c'est la stagiaire, c'est ça? Ouais, ouais, même celui-ci, si vous voulez. Mais il faudra des photos. Et Stetson? D'accord, je sais. Quelque chose à dire? À part la reprise des cours? Oh, rien de spécial. Rien d'intéressant. Je suis retourné à l'école aussi, effectivement. Ah oui. Putain. Ouais, nous sommes ça fait longtemps. Nous sommes des gros glandus d'étudiants. Non, je travaille, moi. Je travaille et je vais à l'école. Je travaillais aussi. Et moi je ne travaille pas. D'ailleurs. Et tu vas à moitié à l'école. Petit message personnel en passant. Au revoir LG, merci pour tout. Et petite news du jour, je viens de lire sur internet à l'instant que le PDG DG avait démissionné à cause des mauvais résultats de la section mobile. Ah oui. Ce qui ne m'étonne pas. Ah. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, on peut commencer. On va passer à la rubrique petit sujet de Monsieur Stetson. Bah oui, hein. Tu vas nous parler de la Gamescom? Alors attention, générique. Yes. Here we go. Here we go now. Here we go now. 1-2-1-2, the Atari crew. We're geeks. We're geeks. Here we go now. Geeks, geeks. Yo, yo. Hello, hello, hello. Voilà, c'était son petit générique que tu n'avais pas eu l'occasion d'entendre. Non. Donc c'était la première fois. Il te correspond bien, non? Bien. Il est pas mal, hein. Je trouvais ça original. Je suis curieux de voir celui de... du chauve. Tu découvriras en temps et en heure. Alors vas-y, Stetson, parle-nous de la Gamescom. Donc la Gamescom, c'est la plus grande convention. Excusez-moi, je vais me moucher. Voilà. Prochaine fois, dis-le, je coupe le micro. Justement. Je répète, la Gamescom, c'est la plus grande convention sur le jeu vidéo en Europe. À Cologne. À Cologne, oui. En Allemagne. Au mois d'août, toujours. Et donc, c'est en général celle où on peut jouer aux jeux qui ont été présentés à l'E3. C'est une convention publique, donc pas comme l'E3 où c'est que la presse. Tu as pu tester ton petit jeu de danse? Non, j'ai pas osé. Oh putain! Quoi, il y était? Ouais, il y avait danse centrale, mais j'ai et pas osé. Il y avait un petit chinois en Marseille? Non, il n'y avait pas de petit chinois. Pour la petite anecdote, c'est pour. Il faut voir la vidéo sur notre séjour à la Comic Con à Paris. Les gens comprendront. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait au jeu Kinect. Il y en avait un sur le stand Ubi pour leur jeu de yoga. Leur jeu de quoi? De yoga. De yoga? Ouais, de fitness yoga, quoi, mais... Tu n'as pas encore vu Wii Fit et autres... Bah, Wii Fit, si, mais il y a du yoga. Déjà du yoga? Ah, bien sûr. Bah, c'est l'essentiel. Et tout ça. Ouais, du fitness, moi, tu fais la position de l'arbre, tu fais la position... Mais c'est mieux fait moi, je préfère la brouette soudanaise, en général, mais il faut mieux une femme. Fait sur Kinect que sur Wii Fit, vu que tu peux prendre tes articulations et tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui était motivé à y jouer. Au contraire de genre Just mais... Dance, où il y avait toujours du monde sur le stand. Attends, est-ce que Wii Fit, juste une question, ça n'a rien à voir, enfin si, ça a à voir, mais Wii Fit, il quand même, prend quand même ton centre de gravité par rapport à la planche. Kinect, c'est ce qu'il sait, c'est pas... Il sait voir, non, il prend tes articulations et des trucs comme ça. Mais il sait pas voir ton poids comme... Oui, par exemple, le poids et le... voilà. Ouais. Après, oui, ça, il sait quand même voir comment tu es, comment tu te tiens et tout ça. Mais j'ai pas essayé Kinect pour ces jeux-là. Et il y avait... J'ai essayé le PS Move, par contre, sur Heavy Rain. Ah oui, ils font une adaptation ouais. En PS Move, juste. Le truc avec la boule à la con au-dessus, ouais. Le God Michel Ball, je l'avais appelé la dernière fois, voilà. Mais qui est beaucoup plus sympa à utiliser que la Wiimote. Ouais. Qui est beaucoup plus sympa à utiliser que la Wiimote, beaucoup plus précis et... à mon avis, oui. Beaucoup plus précis et beaucoup plus réceptif. Et qui prend vraiment bien tes mouvements en fonction de où tu le tiens et tout ça. Et c'était sympa de jouer à Heavy Rain avec lui, parce que c'est un jeu qui se prête bien à jouer avec ça. Mais par contre, j'ai essayé Killzone avec ça. Je rêvais d'un Shenmue à l'époque avec un système comme ça. Voilà, c'est le même jeu, Heavy Rain, c'est un peu... Ouais, c'est encore au niveau plus... Non, mais au niveau du système de point and click et de quick time event, c'est ça comme ça que ça... Ouais. Mais c'est encore plus poussé dans Heavy Rain, donc ça se prête vraiment bien. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, donc c'est vraiment c'est le style de jeu, j'imagine dans, bien. Pour ceux qui ont joué, quand on est dans les séquences de QTE qui sont vraiment actives, où ça pendant 10 minutes, on doit appuyer sur les boutons, faire les mouvements avec ta main, avec le PS Move, est beaucoup plus sympa que les faire sur le joystick. Quoi. Faire tous les petits mouvements comme ça, c'est vraiment j'imagine, sympa. J'imagine. Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que tu as pu... Avant toute chose, qu'est-ce que tu as pu essayer? On va commencer par ça. Ça, on va faire essayer peut-être d'abord. En jouer. Oui. Dans les plus gros qu'est-ce jeux. Qu'est-ce qui était jouable et que tu as pu essayer? Brink était jouable, c'est un nouveau FPS. sur quelle plateforme? Next Gen et PC. Next Gen, à mon avis. Peut-être PC, mais... Et tu as dit quoi? Oh, c'était un FPS vachement sympa. Il y avait une manière de bouger où on pouvait sauter au-dessus des obstacles, mais de manière fluide, intégrée au jeu, ça rendait vraiment le gameplay différent. Il était présenté l'année avant, mais pas jouable, et cette année il était jouable, il sort bientôt. Sinon, dans les gros jeux que j'ai essayé, ben, il y a le nouveau MMO Star Wars. Ça par contre, ça me tente vraiment bien. Ouais, qui était très laid, mais ils disent que c'est toujours une alpha et qu'ils vont énormément augmenter les graphismes. De toute façon, je vais dire, je trouve World of Warcraft très laid, et pourtant ça n'empêche pas de... Ouais, mais il est encore limite un peu plus laid que World of Warcraft. Ouais, mais si l'univers est bon et que le gameplay est agréable, et que moi ça quand même plus... choquant quand tout le monde quand on est rentré dans donc c'était une longue présentation de 60 minutes qui était entrecoupée de différentes donc ils nous expliquaient comment on allait jouer en trois étapes et puis ils nous laissaient jouer pendant 20 minutes et tout le monde a été un peu choqué de à quel point c'était laid dans la première présentation en fait. Ouais, d'accord. Mais... C'est vrai que les images qu'on envoie ne sont pas extraordinaires, quoi, mais... Non, bah sinon, les jeux classiques, Medal of Honor, Crisis, le nouveau Need for Speed... Les suites, quoi, les jeux à licence, les jeux à suite... Puis plein de jeux qui ont même pas de présentation, quoi, Civilization... Mais bon, Civilization, jouer à Civilization en allemand, quand on parle pas allemand, c'est pas vraiment plus facile. Ça doit être... Ça doit être bien. Déjà, quand on me parle en allemand, moi, ça me fait tout chaud. Ah, bah, déjà, c'est un des gros défauts de la Gamescom pour un salon européen. Tout est en allemand. Beaucoup est en allemand. Il y a des présentations. La Old Republic, c'était sous-titré en allemand, mais la vidéo était en anglais, donc ça allait. Par contre, si on devait... Rappelons que Stetson est parfait bilingue. Oui, pas allemand. Pas allemand. Oui, non, mais c'était la vidéo était en anglais. Ah, ça va alors. Par contre, la fille à qui on pouvait poser des questions, elle parlait en allemand, donc... Encore ouais. Heureux qu'après, elle a demandé s'il y avait des gens dans la salle qui parlaient pas du tout allemand et qui voulaient... Parler en anglais. Qui voulaient poser des questions avant de savoir comment jouer. Et il y avait deux mecs de Blizzard juste à côté de moi qui, eux, avaient des questions, donc ils ont posé deux, trois questions. C'était assez marrant de voir des mecs de Blizzard. C'était ça, j'étais ému, il a vu ses idoles. Non, mais... Non, je rigole, je vais pas se mourir. T'as mouillé ton slip? Non. T'as demandé un autographe? Non plus. Oh. J'ai vu aussi les... C'était peut-être les stagiaires aussi hein, chez Blizzard. Peut-être. J'ai vu les journalistes de Gamecube, par contre, aussi. Ben, je me doute bien, parce que j'ai vu leur sujet, et ils étaient présents tout le temps. Mais je les ai vus au salon une fois, mais je les ai vus à mon hôtel en déjeunant. Tu as vu Monsieur Chocapic, le... Ouais, mais on peut pas le rater. C'est alors, pas gentil, ça. Chocapic, et à côté, t'as Yukishiro, qui dans les vidéos paraît pas très petit, si tu l'as déjà vu. Ouais. Ou si c'est en fait, il est tout petit, c'est ça. Il est minuscule. Et à côté de Chocapic, qui est encore plus massif que dans les vidéos. Boule à poire ? Boule à poire, non. Les autres, c'est normal, mais c'est le contraste Chocapic et Yuki, c'était assez amusant. Mais bon, ils étaient sympas. J'ai juste dit bonjour. Oui, c'est vrai. J'ai vu aussi les journalistes de Gameblog. Je leur ai fait un petit commentaire que c'était des fans de David Cage. Et ils l'ont pris comment ? Oh, il a rigolé. Puis ils sont partis. Non, on était aussi à l'hôtel. Et sinon, comme jeu vraiment sympa que j'ai bien aimé, il y avait Rage. C'est un nouveau FPS. J'ai vu. Qui a ambiance post-apo, mais vraiment, il donne... Bah, en fait, j'ai vu les sujets de Gamecube, donc j'ai vu les différents stands, les différents jeux. Ouais, bah... je crois que c'était ma présentation préférée avec Portal 2. Mais dans Rage, vraiment, t'as l'impression que c'est ce que Fallout 3 aurait dû être. Bien réactif, le monde super bien fait. Les quêtes ont l'air vraiment sympas. Sinon, j'ai essayé aussi le nouveau Fallout. Le nouveau Fallout, et puis quelques autres jeux, mais rien de... les vidéos de Black Ops, c'est donc en fait, il n'y a rien qui t'a vraiment marqué Rage était vraiment sympa. Brink était sympa. Portal 2. Portal 2, il a l'air excellent par rapport au premier. T'as joué au premier ? Oui, un petit peu, oui. J'ai commencé. Ouais. Bah, le 2, il a l'air beaucoup plus complet, beaucoup plus... C'est pas vraiment mon style de jeu, mais c'est vrai que quand j'ai vu les images du 2, ça m'a... Quand j'ai vu les images du 2, ça m'a vraiment bien tenté. Mais bon, le 1 est beaucoup plus... Je joue plus assez. Et le 2, bah, il est court, hein, Portal 1. Oui, non, 3, non, mais... Même StarCraft 2 auquel je m'étais mis, j'ai plus avancé depuis... Ah bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, bah, sinon, beaucoup de jeux qu'on teste comme ça, quoi, mais on fait aussi beaucoup de files d'attente. Hein, donc. M'étonne pas. Avec en plus les stands... j'ai vu ça, ça m'a fait flasher sur, en voyant les reportages sur Gamekult. Les stands sont... Dès qu'il y a un jeu qui est un petit peu violent, c'est fermé. Ouais. Mais c'est ça qui est marrant en Allemagne, c'est que le jeu, il a... Même parfois, il n'y a rien du tout. Quoi. Il n'y a pas vraiment d'effusion de sang ou autre. Ça va être tous un tout petit peu violent, il le ferme. Plus 18, il les ferme. Et t'as un gros garde à l'entrée. Ouais. Mais c'est pas si mal, parce que ça fait bizarre quand on le voit comme ça en vidéo, mais quand on est dans le salon, ça choque pas du tout. Et c'est très propre pour les files d'attente, puisque on fait des tours autour du carré, quoi. Ce qui fait que ça fait des files très... Ouais, puis en plus, c'est généralement joli, les boîtes. Sur les belles images, ça présente bien, quoi. Sinon, bah, la boîte de Black Ops, par exemple, elle est gigantesque. Quand on rentre dans le stand, c'est la seule boîte, c'est le seul jeu que présente Activision. Donc, ouais, j'ai vu qu'il y avait des stands qui n'étaient pas très riches. Notamment le stand Sony, à part... Le stand Sony, il est très bizarre. La plupart des... Il y a plein de jeux dedans, donc... Enfin, ils ont un très gros stand où il y a plusieurs jeux, mais les jeux adultes où on doit faire la file pour rentrer. Il y a Killzone, Heavy Rain, Crackdown 2 qui est très sympa. Mais ils ont voulu être originaux et chaque il y a des consoles où on est debout et on joue, normalement quoi. Mais il y a aussi des consoles où ils ont essayé de faire un stand un peu bizarre. Donc pour jouer à Crackdown 2, on peut jouer sur un lit couché au trois quarts. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Avec la TV qui revient devant ça quoi. Mais c'est pas confortable du tout. Parce que... ouais, j'imagine, attends, avec la télé... Dans Killzone 2 en 3D, on peut jouer dans une baignoire. Donc on est couché dans la baignoire et on joue. Ouais, Sony a des concepts bizarres. Il y en a qui jouaient aussi sur des toilettes. J'ai pas essayé ça. Moi, ça m'arrive tous les matins. Ah, Docteur Mario sur la Game Boy, c'est ça. On peut jouer complètement couché à l'horizontale sur un banc dans une morgue. Et donc c'est du métal. Hein. Alors ça, c'est encore moins confortable c'est que toujours, le lit. Toujours le stand Sony, ça. Ouais, toujours tout sur le stand Sony, ça. Et donc la TV est vraiment au-dessus de ta tête, mais c'est quand tu es couché, ta tête retombe un peu en arrière, il n'y a pas de coussin, rien. Donc tu es sur une plaque en métal, et tu dois regarder la TV et essayer de jouer comme ça. Ça te donne le tournis comme pas possible. Je peux savoir ce qui a pris à Sony. De... Je sais pas, sinon ils ont d'autres stands à côté où il y a PS Move et tout ça, ou alors là, c'est pas interdit au moins de 18 ans, où il y a GT et tout ça. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi un truc... comment, une espèce de borne où tu pouvais publier des photos ouais, sur internet. En fait, c'était tout petit, ils en ont parlé beaucoup dans les sites, mais je l'ai vu le troisième jour parce qu'il y avait trois bancs où il y avait cinq portables. C'est comme, comme la partie PSP, quoi. C'est un peu mort. Quoi. C'est... Ouais, la partie PSP, il n'y a pas grand-chose. Il y a principalement la grosse partie, c'était le PS Move et la partie 18 ans. Quoi. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas le pire des stands chez Microsoft, c'était pas beaucoup mieux. Mais non, j'ai vu, il y a beaucoup de stands où il n'y a pas grand-chose, en fait. J'ai l'impression que la conférence était parfois un peu vide au niveau des stands et de ce qu'on pouvait jouer, à part certains éditeurs qui avaient mais vraiment mis le paquet. Les éditeurs amènent leur jeu et chaque jeu a vraiment son gros stand, mais ils n'ont pas... Dans le cas de Microsoft, ils avaient mélangé dans le même stand Halo Reach et Fable 3, qui étaient jouables tous les deux. Fable 3 était sympa, un petit peu différent du 2. J'aime bien encore ce jeu, c'est un jeu sympathique. Hein. Mais c'était pas très clair, la fille. Un nouveau Fable pas... Je n'étais même pas au courant. Et ça a l'air de quoi? Comme Fable 2, mais où on devient... Au milieu du jeu, on deviendra roi. Mm-hmm. Et alors, le style du jeu va complètement changer, plus passer à du gestion. Parce qu'on devra gérer son royaume. C'est sympa comme jeu, Fable. Bah, c'est bien comme concept. Ouais, c'est pas mal comme concept. Faudra voir comment c'est mis en place. Le 2 était chouette. Il était un peu facile, hein, mais... Ouais, Fable a toujours été un peu facile. Bah, il est très long, mais il est super facile, quoi. Oh, très long, même. Bah, il est long, quoi. Le long, oui. Enfin, ça dépend de la vie. Si t'as envie de traîner, il peut être long. Oui, mais bon, c'est pas non plus comme Fallout où tu vas pouvoir traîner pendant des heures, ou bien Dragon Age. Ou et moi, c'était la question de Crisis, qu'est-ce qu'il donne? C'est celui-là qui se passe... À New York. Et quoi, il... Ah, bah, il est super fort. Je l'ai pas essayé en solo, parce qu'il y avait que du multi, et je me suis fait casser. Parce que c'est pas du tout mon... Je préfère le style un peu plus réaliste, où quand on tire quelques balles, ça tue l'autre. Moi j'aime mieux du bourrin, moi, donc... Il y a de l'invisibilité, il faut mettre deux chargeurs pour tuer quelqu'un, donc il y a des super sorts. Mais c'est super beau par contre, sinon c'est un des plus beaux jeux pour le moment, quoi. Et il le présentait en 3D avant, et ça rendait bien en 3D. Ah, tu l'as essayé en 3D, non? On ne pouvait pas jouer en 3D, mais on a vu une vidéo de gameplay en 3D. Et ça rend... Bah, ça rend bien, parce qu'il y a le... c'est une 3D à l'Avatar, quoi. C'est une profondeur, c'est pas, ça vient pas dans ta gueule. Et donc on a Il vaut mieux, parce qu'avec les jeux vidéo... On a les munitions, ta vie et tout ça, qui sont au premier plan. Ah oui, comme si on portait un casque un peu, et qu'on avait au premier plan le HUD, quoi. Et plus loin, on a le décor. Et donc ça rend assez bien. Bonne idée, ça a belle... Ça a une belle profondeur, ça rendait bien dans la vidéo, mais bon... Parce que parfois, la 3D... Est-ce qu'elle se justifie ou autre, c'est toujours le débat, mais dans des cas comme ça, si, voir vraiment, être vraiment dans le casque et avoir la profondeur sur le terrain, c'est... Que ça donnait, quoi. Voilà, dans ce genre de cas, c'est vraiment bien pensé. Sinon, dans les jeux que je m'attendais pas du tout et que j'ai vraiment bien aimé, il y a Homefront. C'est un FPS de THQ. Ouais, j'y étais parce qu'il y avait personne, tu vois, après avoir été voir Red Faction, qui avait l'air sympa aussi. Red Faction? Le nouveau Red Faction. Ah ouais. Bon. Et juste à côté, il y avait Homefront et il y avait personne dans la file, donc il faut profiter hein, quand on ne doit pas faire deux heures d'attente. Qui va. Et c'était une vidéo de présentation parce qu'il n'est pas tout près d'être sorti du tout. Mais c'était l'idée, c'est que la Corée du Nord, leur leader actuel meurt, et c'est son fils qui prend le pouvoir. Et... C'est une tradition là-bas. Forcément. Et au fil du temps, il prend de plus en plus de pouvoir et au final. Pour refaire court, il y a une guerre globale, ça se passe à peu près en 2029 ou 2030, un truc du style. Et la guerre est aux US, et ils sont devenus tout petits, quoi. Il y a l'armée, un dixième de l'armée coréenne qui a pris le pouvoir sur le monde, quoi. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Homefront. Le scénario a l'air en béton armé. Non, mais ça rendait super bien. Ouais, non, mais moi je te parle du scénario. Mais même dans ça, je lui fais pas hommage à comment je le raconte. Mais. Quoi, dans le sens, tu dis ça dans quel sens, je trouve que c'est pas très plausible, c'est non, ça. Non, mais. Les histoires de communistes qui balancent des bombes atomiques sur le monde. Ah, c'est déjà tout, vu ça. Depuis. Quand je jouais à Command & Conquer, oui, voilà, c'était déjà. La Russie, je veux bien. Encore mais maintenant, c'est pas trop ça. La Corée du Nord, on va déconner, quoi. La Chine, j'aurais accepté. La Chine, éventuellement. Voilà, mais. La Corée du Nord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est sur. Tu vois, il y a 30 ans. Il y a 20 ans d'espace, donc c'est. Il te montre dans la vidéo de présentation, il te montre les différentes étapes. Donc, il t'as déjà vu une guerre de la Corée du Nord? Hmm? T'as déjà vu une guerre de la Corée du Nord? Ben, à peu près, mais c'est je crois que c'est pas plus grand que la Belgique. Hein. Je pense pas, non, mais ils se réunifient avec la Corée du Sud et puis ils prennent d'autres... Ils s'allient oui, avec faut la voir, Chine. Il faut voir sur l'histoire, parce que généralement, l'histoire, c'est on ne s'y attendait pas, mais il explique comment on en est arrivé là sans ouais, s'y voilà, attendre. C'est exactement sans... ça. C'est pas un scénariste de jeu vidéo qui va m'apprendre d'histoire, hein, mais bon. Mais c'est pas une question d'histoire, c'est... Voilà. Bon. Soit. Bref, c'était un petit aparté. Parce que je sentais bien que le public se languissait de moi, n'avait plus entendu ma voix depuis longtemps. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, je vais couper ton micro dans l'instant. Bon, enculé ! Tu l'as coupé ? Ah, oh, un gros pic sur le moniteur. Oh. Mais qui c'est qui parle avec des gros pics ? Oh, bon, un gros pic ! Stetson, s'il te plaît, continue. Bah, c'est un des jeux qui avait l'air les plus sympas. Au moins, Stetson, il ruine pas les oreilles de nos ouais, auditeurs. Ouais. Stetson, je l'emmerde les auditeurs aussi. Ça avait l'air sympa de voir comment ils devaient survivre. Ça avait l'air d'être un petit peu un FPS à la Stalker, donc avec des éléments de RPG. Ça par contre c'est bien. Et le fait de devoir qu'ils doivent survivre dans leur pays occupé, ça peut être original, c'est pas tellement. Ça a jamais été tellement fait aux US. D'accord. Bah de qu'ils doivent survivre dans leur pays occupé. Tu as vu Jericho ? Oui. J'ai belle série Jericho. Trop court, malheureusement, ça a terminé avant de. Trop long. Trop court. Ça partait déjà bien en couille niveau scénario. Moi, ça me plaisait. Fini, moi. Putain, c'est encore un truc à la n'importe quoi. Enfin, complot à tout va. Ce n'est pas le débat. C'est comme Jérémia. Moi, je voulais que ça continue encore. Ah, je connais pas. Jérémia. Tu connais la bande dessinée Jérémia ? Ça me dit quelque chose. Bah, c'est l'adaptation en série de... Mais c'est fort... Enfin, j'ai pas lu la BD, mais il paraît que c'est fort... Au début, c'est la même chose, et plus ils avancent, plus ça... Par contre, Jérémy, le problème, c'est que il faut quand même être prêt à regarder quelque chose qui est un peu vieilli... Oui, bah oui. C'est avec Dylan de Beverly Hills, je sais pas son nom, c'est Luke Perry. Luke Perry. Et, mais il est pas mal dedans. Luke Perry. Oui. Bah non, il est... Franchement, je te conseille, je te la filerai après en... D'accord. Parce que je l'ai téléchargé légalement, et je te donnerai... Grande première. Non, Kirby a téléchargé un truc légalement. Mais ça ne se trouve pas dans le commerce, cette série, je pense. Donc, voilà. J'étais obligé, j'ai pas eu le choix. Ouais, vas-y. Non, je crois qu'il y a que la saison 2 est jamais... Allez, on braille, Stetson, parce qu'on approche le... La limite. On approche de la limite. Tout tu doucement. Vas faire de la musique, comme aux Oscars. Je devrais avoir un roulement de tambour dans mon... Non, mais voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais vu et ce que j'avais bien aimé. J'ai vraiment bien aimé Rage, j'ai vraiment bien aimé Portal. Et sinon, au niveau... Moi, j'ai une question qui me... Parce que la dernière fois, on a parlé de la Japan Expo Comic Con. On a longtemps débattu là-dessus. Et il y a un truc qui revenait absolument dans les critiques, dans le négatif, c'était l'organisation. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est ça que je voulais entendre. C'est des Germains déjà. Les Allemands, déjà, c'est autre chose que les Français. Les Allemands, ça va pas en zigzagant, tout droit. Déjà, l'endroit où c'est super bien organisé, c'est gigantesque. Hein, d'ailleurs, c'est... à propos d'Allemands, je vous non. dirai un truc tantôt. Non, mais ça va, j'ai rien fait, je vous dirai un truc tantôt. Mais avec toi, je m'attends à tout. C'est mieux placé que dans le cas de la Comic Con où c'est carrément hors de Paris. Là, c'est pas très loin du centre de Cologne. Et c'est très grand et c'est beau. Ah mais bravo. S'il te plaît. Merci chaud. T'as décidé de ruiner les oreilles de nos auditeurs. Oui. Regarde. Oh, des pics. Bon allez. Donc c'est beaucoup. Ne te laisse pas dissiper par ce méchant chaud. Le parc Paris-Nord-Villepinte, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup mieux fait. On rentre à l'intérieur, c'est pas des bâtiments qui sont séparés par l'extérieur. Ils ont chaque fois des halls où on peut aller de l'un à l'autre. Et... T'as pas de fil pour rentrer. Tu n'as pas. T'as pas de broche avec ticket bleu, ticket bleu, non. Tu dois par contre demander un bracelet. Tu dois montrer ta carte d'identité et demander un bracelet qui dit que t'as l'âge que tu as. Ça permet. D'accéder au stand fermé. Voilà. Sinon, il devrait te demander ta carte d'identité. Ce serait de toute façon, avec ta barre de taliban, on se doute bien que t'as plus de 18 ans. Ouais, on me la demande pas. Mais l'année dernière, on me l'avait demandé. Et puis les tickets, c'est beaucoup plus fluide, il y a des entrées de plusieurs côtés. Donc, et l'organisation là-bas est beaucoup plus claire, quoi. Les stands sont bien séparés et c'est beaucoup plus espacé. Il y a probablement trois fois plus de monde qu'à la Comic Con et t'as pas l'impression du tout t'as l'impression que tu peux marcher tranquillement. Trois fois plus de monde, avec la Japan Expo comprise. Mais c'est énorme, la Gamescom. C'est énorme la Gamescom, c'est genre 250 000 visiteurs. C'est un des plus... Ah ouais, arrête-moi si je dis une bêtise, mais c'est pas le plus gros européen au niveau jeux vidéo. Si, je l'ai dit au début. C'est le plus excuse-moi, j'ai loupé. Parce que t'as Europe, en jeux vidéo, en Europe, quoi. Ouais, en jeux vidéo dans le monde, t'as le 3, t'as le Tokyo Game Show et t'as celui-là. Le 3, c'est tout petit. Hein. Mais je veux dire dans les salons, les gros salons renommés vraiment qui marquent, il y a l'E3, le Tokyo Game Show et celui-là. Il y a la Gamescom. Ouais, mais il y a aussi des plus petits pour les. Personnellement, quand j'invite Eulalie chez moi à faire un striptease, il y a pas mal de monde aussi, hein, mais. Oui, je t'en prie, continue. Le plus gros public aux US, c'est PAX. Et je crois qu'il est assez gros lui aussi. C'est Penny Arcade. C'est aussi au mois de septembre. Penny Arcade Expo. Alors, si tu permets, Stetson, je vais te poser une dernière question. Oui, oui, j'aurais une question aussi, mais vas-y. Ah, bah pour rester dans le timing, on va faire chacun notre tour. Alors vas-y, commence. Mais moi, ça va risquer d'être long. Parce que moi, ça risque d'être court. Ah bah vas-y, toi d'abord, alors. Stetson, est-ce que tu suces? Merci, chaud. Je mettrai un gros bip. Oui. Bah, j'ai envie. Non, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire pipi, caca, merde, bite et nichon. Chat. On s'en fout, c'est du podcast. Non, moi, j'ai une vraie question, oui. Parce que tu m'as... Bon, vu qu'on a quand même essayé d'accord de garder un timing pour cette fois-ci, tu m'as parlé également d'une autre chose que les jeux qui m'intéresse particulièrement. C'est un petit téléphone portable sous Windows Phone 7. Ça va pas recommencer, on est dû. Ah, désolé, mais j'ai pas pu tester énormément parce que c'était sur le stand une des parties du stand Microsoft. Je fais juste l'anecdote pour Chauve avant que tu commences. J'avais fumé ma clope. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que travaillant pour LG. En plus, cette semaine ils ont amené deux nouveautés LG au boulot. Il y avait l'aspirateur qui aspire tout seul, le petit robot, et comme les tondeuses qui font. Voilà, et le téléphone sous Windows Phone 7. Uh-huh. Et donc, moi en voyant ça, évidemment, gros geek que je suis, j'ai demandé à pouvoir tester. J'ai prié, je me suis acharné à voir les clés de la salle où il était. Et ils n'ont jamais voulu me laisser. La seule chose qu'ils ont accepté de me laisser tester, c'est l'aspirateur. À ton boulot ? Ouais, l'aspirateur. J'ai pas pu tester le téléphone, je vous dis pas comme j'étais. J'avais la rage, il était dans la pièce à côté. Il fallait juste que j'ai la clé pour ouvrir la porte. C'est un téléphone, c'est rien, on s'en fout quoi. Bon, va fumer. Ah non, je comprends l'état d'esprit du geek, mais. L'ami avec qui j'étais à la Gamescom a râlé quand j'ai été essayer le téléphone aussi. Hein. À mon avis, si on avait été avec lui, on aurait été tous les deux sur le téléphone direct et il aurait râlé pendant une demi-heure. Vous m'aurez entendu, on m'aurait entendu. Mais donc, le téléphone, ben, j'ai pas pu tester énormément parce que c'était principalement pour le Xbox Live qu'il émettait. Donc j'ai juste voulu voir comment était l'utilisation, c'était agréable. Et c'est fort rapide, c'est très fluide, le hardware était pas top, c'était un hardware LG. Oui. Le président a démissionné à cause de ça, donc... Bon, c'était pas non plus affreux, hein, mais c'était pas au niveau de ce qu'on fait maintenant, quoi. De ce qu'HTC pourra nous produire. Ouais, c'était un hardware d'il y a 2 ans, quoi. Sauf au niveau interne, quoi. Interne, à mon avis, c'était Snapdragon ou un truc équivalent, parce que c'était très fluide. Je crois, oui. Les menus, pour moi, étaient beaucoup plus beaux que Android ou iPhone. C'était beaucoup plus... fort différent. C'est pas du... Android, au final, c'est quand même fort proche de l'iPhone. C'est des petites icônes. C'est proche de l'iPhone et c'est... Moi, je trouve parfois certains aspects proches de Windows Phone. Du premier... Enfin, Windows 6.5. Avec le système de menu et je sais pas... Que là, on passe vraiment à quelque chose de complètement différent, avec moins d'icônes, beaucoup plus de texte, grosses images, des fenêtres. C'est ça que j'en attends, c'est que ça va être vraiment totalement autre chose. En fait, si j'ai bien compris, ça fonctionne grosso modo hein, par les systèmes de carrés ou de rectangles. Et chaque carré, c'est une portion prévue pour un programme, quoi, en fait. C'est ça. Et il y a beaucoup. Ça prend tout l'écran et on n'a pas du tout l'impression d'avoir un fond d'écran et d'être sur un PC où il y a des icônes. Voilà, on n'est pas sur un bureau. Quoi, ouais. Là, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de différent, au moins quelque chose d'original. Et le texte toujours écrit en gros qui défile sur l'écran, les carrés sont interactifs, donc ils passent des petites images de ce qu'on en fonction du programme que c'est. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ceux que j'ai vus étaient comme ça. Et la fluidité était excellente. J'ai pas pu tester les fonctions en détail avec la fille de Microsoft qui te regarde derrière toi ce que tu fais et qui elle te dit non, faut aller jouer là. Ouais, c'est toujours très sympathique ça. Enfin, tester un téléphone et puis non, faut jouer, c'est juste pour jouer. Non. Donc voilà, j'ai pas pu. Tu lui as pas dit merde à la fille de Microsoft? Bah, si tu dis merde, ils te reprennent le téléphone. Hein. Et si tu la frappes? Ben, y a des gardes, je suis pas sûr que j'arrive à les prendre, les gardes. Non, mais juste elle. Oui, mais les gardes, ils arriveraient vite. Ouais, mais t'aurais le temps de la démolir à moitié. Ouais. Ouais, mais en même temps, il aurait pas su tester alors. Parce que t'as quand même su tester. Microsoft, on s'en fout. T'as pu tester des jeux alors? Ah oui, j'ai pu tester deux jeux vite fait. C'était des bêtes jeux de téléphone, quoi. J'ai pas pu tester. Ah, c'est pas, ouais, d'accord. En plus, c'était des versions démo. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'ils mettent les versions démo pour un trade show, mais bon. Enfin bon, c'était positif, ça m'a rassuré sur le fait que j'aime bien l'OS et que c'est vraiment ce que j'ai envie, puisque j'en avais un peu marre de Android et que j'avais limite envie de repasser sur un iPhone. Et maintenant, ça m'a rassuré sur le fait que je préférais repasser, enfin attendre Windows Phone 7. Ok, ouais, bah donc, d'autres questions pour conclure, moi je trouve encore une question. Oui, j'ai une question. Non, non, c'est ça. Est-ce que tu suces? Non. Merci Chaud. Les gens vont se lasser, tu sais. Non, je... Les gens, je les emmerde. Pour conclure, parce que comme on remarque sur la petite timeline, nous sommes à une demi-heure. Juste... Et tu nous emmerdes. Non, du tout, du tout. C'était très intéressant. Pour rire. J'avoue que j'ai presque écouté tout. Pas tout, hein, mais presque. Juste d'avoir... Non, mais tu le réécouteras 4 fois, à ce moment-là, t'arriveras à comprendre. Ouais. Bon, en même temps, je suis pas sûr que ça soit de niveau... De niveau intellectuel, très élevé. Oui, voilà. La Corée du Nord qui envahit les États-Unis, par exemple. Bon... Non, juste pour conclure, alors, grosso modo, le négatif et le positif, qu'est-ce que tu as trouvé bien, qu'est-ce que tu as trouvé pas bien, pour résumer? Ouais, le négatif, c'est qu'il faut être prêt à faire beaucoup de files d'attente. Quoi. Comme dans toutes les conventions. Ouais, mais c'est extrême. Et la bouffe chère ou... Oui, mais ça c'est toujours partout pareil, aussi, quoi. Oui, mais bon, c'est un point négatif aussi. Quoi. Par contre, il y a des trucs, bon, c'est évidemment, ils en profitent, hein, mais quand tu attends dans les files d'attente, il y a des mecs avec... des sacs à dos où ils ont du coca ou de l'eau, donc j'imagine pas comment ils doivent souffrir à la fin de la journée, hein. Qui se baladent dans la convention et te vendent à boire, mais dans les fils, quoi. Donc c'est pratique, ça les arrange bien, mais c'est bien fait, c'est quoi. Bien pensé, oui. Par contre, le mec qui doit se taper son sac avec 30 litres sur le dos toute la journée à marcher, bon, ça c'est leur boulot, hein. Oui, bon, je connais pas de bon, les paye pour ça, ces gens, hein. Bonbon, ouais, bon, caramel, esquimaux, chocolat. Sinon la bouffe, je vais pas manger là-bas, donc je saurais même pas te dire combien ça coûte, mais... Voilà, les files, il y a des files pour où t'attends 2 heures, quoi. Black Ops, je crois que j'ai attendu 2 heures, Old Republic 1h30. Et ça va, tu n'avais pas de cloche au pied, tu n'avais pas mis les chaussures jaunes? Oui, voilà, c'est ça que j'aurais dû poser comme question. Voilà, des cloches au pied, du passé anglais. J'avais prévu les chaussures qu'il fallait. T'avais pas pris tes gars à zone plus haut? Non. Ah, oh, merde. Et voilà. Le positif? Le positif, bah, c'est de voir des jeux... T'es pas allé tout seul, j'imagine? Non, j'étais avec un ami. Et il t'est pas plein de tes ronflements? Non, mais j'ai pas ronflé. Il y a quelqu'un qui ronfle. Il se fout de notre gueule. Non, mais il a rien dit, sincèrement. D'accord. Mais je t'avais dit que c'est quand je suis crevé ou que je suis malade. Et par contre, dans les points négatifs, le premier hôtel, puisque j'ai dû changer d'hôtel, celui où je voulais aller, qui était à côté de la Gamescom, avait pas de chambre le premier jour. Et le premier hôtel, en principe, on devait avoir 2 lits, et j'avais la feuille où il a été écrit 2 lits. Quand on arrive, elle nous dit qu'il y a plus de chambre comme ça, et que donc il nous upgrade sur une suite. Une junior suite, alors la junior suite au premier étage où t'entends toute la circulation, j'adore, quoi. Et en plus, un seul grand lit. Et donc tu as dormi en amoureux? Non, mais elle l'a rajouté, elle est venue rajouter un autre lit, mais bon, vraiment, l'hôtel de merde, quoi. Donc je ne retournerai pas à cet hôtel-là, par contre l'autre hôtel était très bien. Par contre, tu retourneras à la Gamescom. Oui, d'accord. Année. Voilà, le point positif, c'est de voir des jeux en avance, quoi, de les tester. Toujours avec les conventions, hein. Voilà. Plus d'être dans l'ambiance gamer, quoi. C'est agréable. Si on aime. Bah moi, ça me plairait d'aller faire un tour une fois pour. Mais c'est vraiment pas du tout pareil que la Japan. Ouais, c'est normal. Déjà, c'est des Français qui organisent la Japan. Ouais, mais même le principe de la convention, c'est des conférences à Japan. Tu et disais pas de pas faire trop de commentaires sur les Français. Mais je travaille pour un support français depuis 4 mois et je commence. Non, t'es au chômage. À sentir ma douleur depuis hier. Ouais. Donc c'est pas juste le but de convention, le but de la Gamescom, c'est de montrer leurs produits, de la pub pour eux, quoi. Alors que la Japan, c'est de te vendre des conneries ou de parler de conférences. Ah, mais la Comic Con était plus conférence que la Japan. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas assez de vente de conneries à mon goût. Mais bon, ça c'était le débat de la dernière fois. Ouais, voilà. Quelque chose à rajouter. En tout cas, Stetson, je te félicite parce que tu es presque dans le timing. Ouais. Extraordinaire, pour une fois, ce podcast va peut-être tenir dans 2 heures. Mais étonnerait. Ça m'étonnerait aussi, mais bon. Chauve, une dernière remarque, une dernière question, à part... Tu suces. Merde. Merci, Chauve. Stetson. Une chose à rajouter? Il vient de causer pendant une demi-heure, ça va. Eh ben, je te remercie pour ton sujet et on passe alors au débat de Monsieur Chauff. Hey. Voilà, donc Chauve va nous parler, va nous faire un petit débat, n'est-ce pas, sur le sujet du jeu vidéo. Modérer un débat sur le sujet du jeu vidéo, c'est bien ça? Modérateur, donc. En gros, oui. Bah, nouveau titre. Je vous lance le débat, je vous laisse discuter, j'interviens de temps en temps, et à la fin, je donne mon avis, parce si que je l'ai préparé. Tu nous sépares? Non, je vais vous taper, j'en prends un pour taper sur Mortal Kombat! Fatality! Alors, quel est le sujet de... Donc, comme je l'ai dit en intro, c'était le jeu vidéo, deux points. Un art, une culture, une simple industrie, virgule, point de suspension, ce que vous voulez. Donc voilà, les débats sont ouverts. Et qu'on doit déjà répondre là-dessus, ce qu'on en pense, bah, on pense ce que c'est. Oui, et si je te dis premier ça, jet, quoi. Si je dis ça peut être les trois, ça... Non, c'est pas les trois. Question. Non. Ben, moi, je trouve que ça peut être les trois, personnellement. Moi aussi, je trouve que ça peut être les trois. Ça dépend... Enfin... Ça dépend toujours où tu situes l'art, ça dépend de quel jeu tu parles, ça dépend... Mais ça peut être les trois. Ça peut être vu comme un art, parce qu'il y a certains jeux, franchement, c'est à la limite de l'art. Voilà, par exemple, c'est exactement ce que j'allais sortir, Ico, le premier qui me venait à l'esprit. Pour moi, ça peut être considéré comme de l'art. Aussi sur le fait que c'est des jeux qui sont limite proches du chien. Res, par exemple, qui est un jeu très conceptuel aussi, je sais pas si vous Flower le connaissez. Aussi. Res, tu le connais. Ah, ouais. Voilà, c'est très... Voilà, Flower... Tout ça, c'est des jeux très conceptuels et pour moi, ça peut être une forme d'art. Ça peut être apparenté. J'imagine que tu sais pas ce que c'est Flower, mais je vais t'expliquer. Exactement. Ça, t'as une idée. Res, tu connais. Ça, je connais le nom, mais. C'est ton pseudo d'ailleurs. Non. Non, pas, non, ça, non, c'est non R-E-Z. Ah, pardon. Donc, Flower, c'est un jeu où tu dois refleurir des champs. Moi, je le connais. Et tu joues une petite fleur et tu joues avec le 6 axis de la PS3, donc tu bouges la manette. Mm-hmm. Et en passant et en récupérant des petits, je sais pas, des pétales, tu refleuris les champs et au fur et à mesure tu passes dans d'autres champs et c'est avec une musique un petit peu éthérée. Champêtre. Non, pas champêtre, mais t'as joué? Non, t'as pas joué. Non, j'ai pas joué, mais je connais le jeu, j'ai vu des... Et en quoi est-ce que c'est de l'art? Oh. C'est beau. Ouais, c'est très beau, c'est fort. Non, mais moi, c'est pas tellement l'aspect beau, poétique. Parce que Res, je ne trouve pas ça spécialement beau, mais c'est plus dans le sens de concept que je considère ça comme un art. C'est, mm-hmm. c'est pas. Si, c'est beau, Ico est très beau, etc. Mais c'est les concepts, c'est les. Et par exemple. Beau aussi, il y a pas longtemps. Est super un simple beau. Exemple, c'est celui, je ne tombe plus sur le nom, un jeu sur iPhone d'ailleurs, où tu es en fait une petite bulle, une petite goutte d'eau à la base, et tu dois en fait, via l'accéléromètre, tu dois te déplacer et absorber des bulles plus petites pour te former une plus grosse sans te faire absorber par les plus grosses. Bah, c'est un peu le but de Flower. La manière dont si c'est fait, voilà, c'est le même principe. Les pétales te suivent au fur et à mesure que tu passes dessus. Et mm-hmm. tu fais en faisant des chemins, tu refleuris les champs qui sont... Au final, c'est même plus vraiment ce qu'on peut parler un jeu vidéo. T'as pas un... Mais enfin, si, t'as un objectif, t'as un but, tu joues, mais... Il n'y a pas de but classique du jeu vidéo, quoi. Ouais. Non, c'est juste... Voilà. Res, par exemple, tu fais quoi? Tu détruis des objets qui produisent... T'as pas des high scores? Si, t'as des high scores, mais le principe c'est quoi? Tu détruis des objets pour en faire du son. Et à fonction des objets que tu détruis, le son du jeu change. Ça fait une autre sonorité, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, c'est... Bah, les deux jeux que vous me décrivez là, c'est... C'est même des jeux déjà très fort du... Oui, voilà, c'est déjà mais ça dépend moins que... typé jeu vidéo. Hein. Ah oui, mais, ouais, mais c'est du jeu vidéo. Et c'est justement, oui, c'est ça que je dis, ça dépend s'en éloigne déjà. Ça dépend ce que tu entends par art et ce que tu entends par jeu vidéo. Ça peut plus toujours être. Par art, j'entends art et par jeu vidéo, mais j'entends art. Le jeu vidéo attends, moins. Art, attends, il y a un mec qui va chier sur une planche et il va se rouler dedans, il va l'afficher au mur, il y a des gens qui vont trouver que c'est de l'art. Oui, mais c'est des cons aussi. Oui, la qualité du dessin et tout. Qu'est-ce que l'art? Je vais dire Limbo. Débat alors. En même temps, c'est pas un podcast philosophie. Je vais dire Limbo, donc c'est un jeu de plateforme. C'est vraiment un jeu au niveau de la plateforme, c'est de la plateforme 2D. Vraiment typé jeu vidéo quoi, t'y as pas joué non plus? Tu vois ce que c'est ou pas du tout? Ça me dit quelque chose, mais c'est un jeu en noir et blanc avec beaucoup de travail sur les ombres et tout ça. C'est super beau au niveau graphique, au niveau de la qualité des dessins. Et au niveau gameplay, c'est bien, quoi. C'est un jeu de plateforme propre. Ouais. Et il y a aussi ceux qui servent. Et t'as le but de. T'as un but à la fin, quoi. Parce qu'il y a aussi ceux qui servent, mais ça c'est bon, je lâche une petite aparté, ceux qui servent de médias jeux vidéo pour faire de l'art, ce qu'on appelle du pixel art aussi. Ça peut découler dans certaines formes d'art, quoi. Bon, ça c'est pour la partie art, maintenant il y a aussi la partie. T'avais dit quoi autre industrie. Attends, bon. Déjà moi sur l'art je suis pas d'accord. Quoi. Ah, tu veux qu'on. Ok. Excuse-moi. Pas, moi, je crois que tu attendais nos réponses. Non, je laissais le truc couler jusqu'à ce que. Je crois que tu attendais nos réponses sur les différents sujets en fait. Sur l'art. Non, pour moi déjà c'est pas de l'art. Puisque... Mais qu'est-ce que tu entends par art, c'est ouais, ça aussi. Tu peux pas vraiment définir l'art, ça dépend de l'œil. Voilà, mais t'as une liste des arts, t'as la. Mais alors, t'as la musique, t'as la poésie, cinéma. T'as l'architecture, oui, mais t'as la sculpture, tu peux pas. Mais attends, mettre attends, le jeu vidéo déjà attends, dans y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont trouver que la musique, certaines musiques ne sont pas de l'art. Je non, parle pas de certaines musiques, je parle de la musique en. Mais voilà, mais en, les en, jeux vidéo, ça peut être considéré comme de l'art, certains jeux non, vidéo. Non, je suis d'accord pour dire qu'il y a des développeurs qui sont très doués, qu'on peut qualifier d'artistes. Je suis d'accord aussi pour dire donc que même l'art numérique, ça peut être considéré comme de l'art. Si des artistes, ils font de l'art. Non mais de toute non, façon mais le déjà, jeu il y a aussi... c'est jeune. Oui mais voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà. Donc, pour moi c'est déjà ça peut pas être considéré déjà comme un art mais ou même ça peut commencer ouais, mais ça, pourrait ça le commence devenir, parce que les jeux vidéo ça date quand même de 40 ans maintenant. Un peu plus 60 à peu près. C'est... Donc, vraiment les jeux c'est les vieilles machines militaires ou avec leur radar. Là, c'est années 60 ça je pense. Années 50 plutôt. Par contre, il y a un autre. Première console de jeu, c'est années 70, mais avant il y avait sur. Et un autre point moins discutable, c'est que l'art, dans sa définition, c'est très vague. Ne cherche pas le bénéfice. Oui, mais les jeux indés cherchent pas toujours. Pas toujours le bénéfice. Il y a des je jeux qui sont jamais croire. Non, non, non. Il y a des jeux, qui ont été distribués. Par exemple, comment ça s'appelle? Celui où t'as une bulle noire qui doit. Et c'était distribué sur Internet et les gens mettaient le prix qu'ils voulaient. Ouais, ça arrive souvent. Par exemple. Les gens décidaient d'acheter ou pas, ils mettaient le prix qu'ils voulaient. Si tu voulais le prendre comme ça, tu le prenais comme ça. C'était toi qui décidais. Ouais. Ils cherchaient pas vraiment un profit. Ça, à la limite, c'était plus pour ré-rentabiliser après leur sortie. Ouais. Mais t'as aussi des jeux... Qui ne cherchent pas de bénéfices, quand t'as un studio de développement, t'as quand même des charges, t'as des coûts, t'as des gens, il faut payer le salaire. Parfois, c'est des amateurs qui font ça... Je parle de tout petit jeu vidéo, hein. Ah ouais, c'est non, pas non, du tout non. La même. Ouais, mais non, je parle jeu pas bizarre, de petit jeu vidéo. Parce que le jeu. Mais là, tu parles de jeu vidéo. T'as juste dit jeu vidéo. Il fallait préciser pour les gros studios. Alors là, je suis d'accord. Pas forcément pour les gros studios, mais même. Parce qu'il y a, comme il dit, il y a des jeux, il y a deux personnes qui vont développer ça après journée. Et on peut dire que c'est une forme d'art parce qu'ils vont. Ils vont faire de l'art, quoi. Ils vont dessiner ça, ils vont faire un concept, ils vont faire. Oui, mais là on s'éloigne du terme plus générique de jeu vidéo. Bah on s'éloigne. Bah, non, ça reste terme. Un jeu vidéo, c'est ton terme. À partir du moment où t'as une manette en main et que tu dois exécuter des actions, pour moi c'est un jeu vidéo. Même pas une manette, même pas une manette, même sans manette, voilà. Mais... Oui, sauf qu'on ne peut pas généraliser le terme d'art. Parce que là vous me citez des exemples. Des... Non, mais c'est pareil, on peut pas dire que. Qui s'éloignent de la globalité du jeu vidéo en général. Mais bon, t'as pas précisé, on prend le cas. Bah même, vous prenez du cas par cas. Bah oui, donc tout à fait. Effectivement, il y a certains jeux qui peuvent. Ouais. Mais c'est pareil au ciné, tu vas pas dire que la plupart des trucs qui sortent au ciné, c'est de l'art. Non. Et bah voilà, donc, tu prends au cas par cas aussi. Donc le cinéma n'est pas un art alors pour toi. Si. Bah alors, tu prends au cas pourtant, par cas c'est aussi. C'est exactement la même c'est chose. La même chose. C'est juste que le cinéma est plus vieux, donc il a évolué au point oui, d'être voilà, considéré aussi. Comme un art. Et le jeu vidéo y arrivera sûrement. Le jeu vidéo y arrivera. Peut-être. Il est en passe d'y arriver, moi je trouve. C'est... Pas déjà. Le jeu vidéo, il est dans sa phase je trouve. D'adulte en fait. Maintenant, il était dans c'est sa comme phase dans le cinéma. T'as des comme au cinéma, t'as des productions qui sont là à licence pour faire du pognon, pour générer du pognon, et t'as ceux qui vont faire ça plus comme une forme d'art et comme ben, le jeu vidéo, je trouve, se dirige vers ça. C'est la même chose. Il y a des gens qui vont faire ça, même parfois pas des studios, des gens dans leur coin qui vont distribuer ça gratuitement sur Internet. C'est pas une question de rentabilité. Qui vont faire ça dans leur coin, qui mais vont développer quelque chose sous une forme d'art, avec, mais pas et qui vont faire ça... Je veux dire qu'un mec qui développe un petit jeu qui va distribuer sur Internet, tu considères ça comme de l'art. Bah ça dépend du jeu. Tu peux ça dire peut... que c'est très bien fait, c'est très amusant... Mais moi je dis, je ça, parle pas simplement, je parle pas simplement au niveau du design, qui sont c'est par le concept des aussi qui fait... qu'on peut considérer art. Et eux pourtant ils l'ont fait juste pour s'amuser, ou dans le but de leurs études, ou pour s'entraîner à faire des jeux. Oui, ça se tient. Cela dit, pour moi, c'est pas de l'art. Non mais je vois ce que tu veux dire, tu parles dans une globalité. Oui. Mais bon, pour ce que le grand public pense des jeux vidéo, je veux presque bien être d'accord avec lui, même s'il y a des Moi je suis d'accord avec lui sur une chose, c'est que ce qu'on est en train d'expliquer, nous on parle de cas vraiment, je vois ce qu'il veut dire, on parle vraiment de cas très très particuliers, qui sont très peu nombreux, comparés. Il devient de plus en plus gros. Voilà, mais ça devient de plus en plus gros, mais... Je vois ce que tu veux dire, c'est très très restreint par rapport au nombre... J'étais d'accord au début pour dire que ça pourrait éventuellement devenir de l'art, mais que pour le moment, ça en était... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Éloigné. Mais je trouve justement que ça a tendance à s'en approcher de plus en plus. Oui, ça reste assez loin, parce que c'est jeune aussi. Ouais, mais bon, ça devient de plus en plus... C'est principalement ça, hein, parce que c'est jeune. Bah, principalement, c'est toujours stigmatisé avec le fait que les jeux vidéo, c'est pour les gosses, ou pour les jeunes, et pour les mecs, principalement. Moi, je stigmatise pas ça, mais... Non, mais c'est stigmatisé comme ça dans le public. Bah, de moins en moins, déjà. Et bah oui, enfin. Ensuite. De l'art. Voilà. Ensuite, c'était quoi le deuxième ? La culture, non ? Une culture ? Voilà, culture, ça... La culture, c'est culture, personnellement, moi, je dis oui, maintenant. À l'heure actuelle, je dis oui. Au début, je disais non, mais maintenant, je dis oui. Non ? Ça fait partie c'est de la culture. C'est encore moins populaire. Une culture que de l'art. Mais c'est quoi que tu appelles la culture, hein ? Justement, la culture, c'est très vaste. C'est justement... Ouais. Le mot culture, c'est galvaudé, parce que... Si tu prends une définition de la culture, c'est un truc... De Wikipédia. Non, je n'ai pas besoin de relire la définition. C'est un truc qui soude une société, un groupe d'individus. Donc c'est ça soude clairement un groupe d'individus. Toute une culture, Là oui, pour le moment, le jeu vidéo est une culture, alors. Si tu prends cette définition-là, c'est une culture. C'est justement une des cultures les plus fortes, le jeu vidéo, parce que les joueurs... T'interromps. Dans la culture, tu retrouves le langage. Il y a du langage qui est propre. Non. Ils ont un langage qui est propre, les joueurs. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que tu n'as jamais joué à des jeux en réseau, toi, alors. Hein, il n'y a pas de culture cinéma, alors. J'ai pas dit qu'il y avait une culture cinéma. Non, mais je te pose une question. J'ai pas dit que le cinéma est une culture. Non, mais je te pose une question. Dans ce cas-là, jusque-là, sous ce que tu as dit, c'est de la culture, le jeu vidéo, alors. Ils ont un langage qui leur est propre. Non, absolument pas. Si, tu joues en réseau. Le langage découle d'un autre langage. Ouais, mais ils ont quand même des... Si tu parles avec un joueur, tu sais que c'est un joueur. Attends, tu n'as pas encore entendu ma conclusion. Mais attends, j'ai une question. Alors, pour toi, le hip-hop, c'est une culture, par exemple ? La culture hip-hop, ça existe ? Non. Ouais, ok, pourtant, d'accord. C'est ça que je voulais. Non, voilà, bon. Donc toi, tu considères plutôt, entre guillemets, je dirais gros guillemets, comme une sous-culture, en fait. Sous-culture. Voilà, ok. C'est ça que je. Parce que, comme je disais, la culture, c'est ça. C'est aussi jouer sur les mots. Enfin, pas forcément jouer sur les mots, mais je disais que c'était galvaudé. Une culture, ça englobe. Le langage, les arts, les lettres, Pour les techniques, culture, le système judiciaire, les valeurs... Oui, la culture, c'est plus vaste, t'as une culture par pays, quand entre guillemets... Quand on parle de culture geek, moi, ça me fait sursauter aussi, c'est pas une culture. Pour moi, je vois ce qu'il veut dire, mais je suis pas sous-culture. D'accord. Moi, je serais assez d'accord avec lui, mais aussi un autre problème, c'est que... Je préfère utiliser le terme de culture, Sous-culture en français c'est péjoratif et subculture en anglais c'est pas péjoratif. Moi j'entends ça dans le terme pas péjoratif. Voilà pourquoi je préfère dire culture, parce que sous-culture pour moi ça reste encore péjoratif. Mais c'est pas, on peut pas appeler ça de qualifier ça de contre-culture non plus. Non, contre-culture non, mais sous-culture ça reste péjoratif. Donc, oui, mais moi je dis je préfère prendre je précise culture ici au que sens. Je dis sous-culture dans le sens non péjoratif. Parce que en tant que groupe, c'est un des groupes les plus soudés entre eux et. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Faut juste connaître les joueurs, c'est... Ouais, tu connais, il y a plein d'autres sous-cultures qui sont tout aussi soudées et que tu mais connais pas. Mais pas aussi large. Elle est mondiale, la culture de. À l'heure actuelle, c'est devenu très très large. Culture hip-hop aussi, on en parlait, c'est aussi... C'est large. Moins large. Non mais c'est pas... Ce que tu veux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est devenu une culture... Enfin, ou une sous-culture. Une sous-culture, pour utiliser ouais, voilà, pour utiliser son terme. Très très présente, très très forte, quoi. C'est depuis quelques années... Il faut aussi différencier les gens de notre âge pour qui c'est effectivement peut être une culture. Et les gens plus jeunes, qui sont nés dedans, c'est pas la même approche. Je sais pas. Moi je trouve qu'on est quand même un petit peu... On est de la génération quand même, jeux vidéo aussi. Hein. On est quand même... Ouais, j'ai quand même moi j'ai grandi avec Mario. J'ai grandi avec Mario à 4 ans. Oui, avec Mario. La première NES avec Mario, voilà, j'ai grandi avec ça. T'as pas grandi avec Resident Evil 5, quoi. Mais ça n'a rien à voir, que ce soit Mario ou Resident Evil, ça n'a rien à voir. Non, parce que toi t'as un plus de bagages à ce niveau-là. Ouais, je pense t'as suivi toute l'évolution. Mais... D'accord, ouais, je vois ce que. Oui, ok. Que les joueurs maintenant qui ont directement les jeux en réseau et qui. Oui, voilà, ça. Oui, vu comme ça aussi. C'est pas la même culture, mais ça reste quand même. C'est des sous-cultures de la sous-culture, si tu veux. Oui, c'est une sous-culture. Pardon. Pour moi, c'est une sous-culture. culture, c'est quand même. Je disais à Stetson d'approcher du micro parce qu'on ne l'entend pas. C'est une sous-culture de la culture occidentale. Mais bon, si tu englobes la culture geek qui est énorme. Ah, mais je dis pas le contraire. Mais en général, le geek, il va aussi être joueur de jeux vidéo souvent, quoi. Il n'est pas tout le temps, c'est clair, mais souvent, il va. Ou du moins, il va apprécier ça. Moi, jeux vidéo, ça fait partie de la sous-culture geek. Non, moi, je trouve que c'est quand même une sous-culture à part entière à ce moment-là. C'est pas une culture, mais c'est quand même une sous-culture à part entière. Parce que les gamers, c'est vraiment une communauté, c'est vraiment. Il y a un langage, il y a une façon de fonctionner, il y a une façon de vivre, il y a une organisation, il y a tout ce que tu veux. Ouais, si. Ouais. C'est sérieux, si. Bah vas-y, donc pour moi, il y a vraiment c'est une sous-culture c'est une à part entière. De voir comment tu. C'est ta passion, quoi. Quand t'es joueur, c'est ta première passion. Parce qu'il y a des gamers qui ne sont pas geeks pour autant, qui n'aimeront pas tous les aspects de la culture geek, qui sont concentrés uniquement sur le jeu. Les geeks, le jeu, c'est un passe-temps parmi beaucoup d'autres, parce qu'ils ont énormément de passion et de. Donc pour moi, il y a quand même une sous-culture. À ce moment-là, on parle de sous-culture sans être péjoratif, il y a une sous-culture jeu vidéo. Ah, mais pour ça, je dis, oui, sous-culture. Moi je la voyais plus comme. Mais toi tu dis que ça fait partie de la sous-culture geek. Pas la sous-culture geek. Moi je trouve que c'est pas lié justement, c'est vraiment. Pas lié, tu peux pas dire que c'est pas lié. C'est lié. Mais c'est pas. Ça ne dépend pas de la culture. Oui, non, voilà. Ça ne dépend pas. C'est ça que je voulais dire. Pour moi c'est ça que je voulais dire. Peut-être une branche principale, mais c'est une branche sous-culture geek. C'est toi la branche. Tu veux voir ma grosse branche? Finalement, on est relativement d'accord aussi. Tu t'attendais à ce que M. Stetson fasse son taliban et refuse catégoriquement d'être ouais, d'accord ouais. Non, mais je trouve que c'est une culture... Oui, il est plus modéré que la dernière fois. Hein. C'est une culture importante. Hein, et une sous-culture importante. Si tu veux, mais bon, une culture, t'as compris. Ouais, je ne vais pas sur les mots. Elle est soudée entre elles. Quand elle est décidée à faire quelque chose, il suffit de voir comme... Quand Blizzard a voulu mettre les noms... Les real ID sur le forum. Les real ID sur leur forum. Ça reste assez limité. Comme mais bon, là tu prends... Ouais, c'est vrai que là tu prends un exemple bien précis, mais... Oui, mais ça te montre très vite et à quel point ils ont été obligés de changer. Il y a quelques jours, un développeur est mort dans un accident de voiture et... Ah oui, je crois que tu parles d'un studio de développement qui a fait faillite dans un accident de voiture. Tous les studios. Juste lui, il s'est mis dans le chemin pour sauver sa femme qui était enceinte. Et t'as plein de joueurs qui ont envoyé des dons pour aider. Tu vois, c'est un genre de geste de la sous-culture qui est sympathique et qui peut se retrouver aussi dans la musique ou dans le cinéma. Hein. Sûrement, mais. Non, sûr. Enfin, c'est quand certainement, même une, le fait que ce soit une culture qui est un peu geek, tu vois, quand t'es joueur, tu vas aussi être un peu intéressé à Internet, tu vas être connecté, tout ça, plus qu'une autre culture musicale, ce sera moins inné. À quel point être connecté tu vois, dans le fait d'être connecté mondialement ensemble, ouais, ça, je suis d'accord. C'est plus marqué sur les joueurs. Donc ça fait c'est vrai qu'au niveau, plus globale. Au niveau social, ça... Là, pour beaucoup comparé à d'autres social c'est un grand mot mais tu joues avec des gens partout quoi tu restes moins fermé sur ton entourage ça faut voir attention aussi hein, mais justement internet permet ça pour beaucoup de choses pas que le jeu vidéo c'est marqué sur le jeu vidéo parce que les gens qui jouent en ligne sont investis là dedans comme une vraie vie ils sont plusieurs heures et ils discutent vraiment mais le reste des autres cultures alors ou sous-cultures peut se partager énormément par internet également. Il y a beaucoup de forums. Mais c'était dans les premiers à faire vu que le jeu en ligne était fort utilisé. C'était plus une acceptation plus rapide de ça. Voilà, est-ce que ça te va? Est-ce que j'ai été trop strict? Non, je te trouve ouvert pour une fois. Modéré, toi, à mon avis, tu t'es tiré ton couillère ou... Qu'est-ce que t'as fait de ta nuit? Vas-y, explique-nous parce que là... T'as joué toute la nuit encore? Non. Et c'était quoi le troisième industrie? Industrie, oui. Industrie, là, je crois qu'on va être tous d'accord pour dire oui. Hein. Je pense que ça fait plus de thunes que l'industrie de la musique. Maintenant. Oui, ça fait plus de thunes que le cinéma, ça fait plus de thunes. Le cinéma aussi? C'est la plus grosse industrie de la maintenant, culture. Maintenant, c'est devenu, d'accord. Mais de toute façon, à la base, c'était une industrie. C'est des gens qui fabriquaient du jouet, qui ont décidé de faire évoluer leurs jouets et de continuer à vendre et... Et voilà, donc ça a toujours été une industrie à la base. Ça, il faut pas se leurrer, ils font ça. Faut pas ça pour rien non plus. Ça le devient de plus en plus, quoi. Ouais. Oui, ça grossit donc. Les coûts marketing qu'ils engagent. C'est ça que je disais, j'étais plus réticent à qualifier ça de culture à part entière, c'est que ça devient de plus en plus industriel. Quoi. Oui et non, t'as toujours eu des... À la base, non. Je trouve que ça devient pire quand même. Ça devient pire, mais à la base, les premiers jeux... Comme dans n'importe quel autre domaine de l'industrie... Attends, à la base, les premiers jeux, c'était que de l'industrie. Hein. C'était, y a jamais... La forme d'art sur le jeu vidéo, ça a mis du temps à apparaître. À la base, les premiers jeux, c'était que de l'industrie, c'était pour vendre comme jouet. Oui, mais l'industrie était beaucoup moins développée. C'était moins développé, mais ça n'était qu'une industrie. Que maintenant, il y a une petite part qui commence à... Ouais, maintenant, en fait, on est... Ça évolue vers autre chose. On séparer beaucoup plus. Il y a l'art d'un côté avec les jeux indés. Tu sais, dans les années 80, t'avais la NES, la Mega Drive, de cite-moi un jeu dessus qui est là pour faire de l'art, pour essayer de faire du différent. C'était que pour vendre tout ça. Mm-hmm. Qu'à l'heure actuelle, justement, il y a une moins grosse part pour l'industrie. C'est une plus grosse industrie, mais il y a une moins grosse part. C'est une plus grosse pour industrie, mais proportionnellement, la part qui sert juste à faire de l'argent est plus grande aussi. Non, elle est, pour moi, elle est plus petite, justement. Proportionnellement. Justement, pas proportionnellement. Mais, En taille, oui, forcément, elle est beaucoup plus grande. En taille, est plus grande parce que l'industrie est beaucoup plus grande, mais. Avant, t'avais quasiment 100% de jeux qui n'ont pas de but uniquement monétaire. Les jeux avant, t'avais, on va dire, 99% de jeux vraiment pour le vendre, de l'industrie, on va dire. Et maintenant, bah, t'as peut-être 90% et 10% de jeux. C'est moins grand part. Ils ont empiré dans le sens avec les DLC ou bien avec tout ce qu'ils essayent de vendre après les jeux en parcellant le jeu. Oui, ça c'est devenu... D'ailleurs, petit aparté, Stetson m'a parlé d'une news cette semaine, avec les cinématiques. Donc, le président d'Activision. Écoute bien ça. Mm-hmm. Attends, avant toute chose, tu sais ce que c'est, on va peut-être rappeler ce qu'est un DLC pour même les auditeurs. Il ne veut pas les vendre comme DLC. Un DLC, c'est downloadable content, donc c'est du contenu que tu prends après le jeu, quoi. C'est limite du patch, quoi. Ce sera un objet en plus, ce sera une cinématique de fin différente, ce sera... Comme le cheval en Warcraft qui coûtait la peau du cul. Ouais, c'est un DLC. Ce genre de truc. Bon exemple d'un jeu qui est bien coupé, après j'expliquerai avec Activision, c'est Mafia. Il n'est pas bien coupé, justement, mais il est coupé dans le sens où ils veulent... Pécuniairement parlant. Tu sens que ils parlent de faire 8 DLC, et déjà tu sens que le jeu est super court. Mafia, c'est un genre de GTA-like. Ouais, j'imagine bien. Plus ils se concentrent sur l'histoire. Et tu sens déjà qu'il est super court, je l'ai fini genre en 12 heures. Et tu sens qu'ils ont enlevé des morceaux pour les mettre dans le DLC, qui est sorti le jour de la sortie, hein, le premier. Et ils vont sortir le deuxième d'ici un mois. Et il fallait racheter à chaque fois. Chaque fois tu payes. C'est chaque fois. Mais ton jeu te couvre à combien finalement? Ça dépend si tu les achètes ou pas, parce qu'ils l'ont vendu super. Mais si tu veux le jeu complet, tu les achètes tous. Alors si tu veux, si t'es pas impatient d'avoir les DLC, t'attends une édition Game of the Year, et alors ils les mettent toutes dedans en général. Mm. Par exemple, Fallout, il y a plein de DLC que j'ai pas pris, et je l'ai vu d'occasion le Game of the Year et j'ai pris celui-là. Quoi. Mmh. Ça me coûtait moins cher de faire ça. C'est la nouvelle manière, nouvelle manière de faire du fric, quoi. Ouais, mais sauf que. C'est ça qui me fait penser que ça a empiré comme. Oui, mais je trouve que ça a empiré dans ce cas-là. Ça a empiré dans ce sens-là. Mais je parle au niveau de la proportion jeu. Ouais. Là, c'est... Dans le cas de Mafia, ça marche pas tellement parce qu'ils l'ont vendu très mal à cause des mauvaises notes, du fait qu'il était trop court et qu'on sentait qu'il était pas complet. Donc, il faut qu'ils fassent gaffe à être bien, à avoir un équilibre. Et donc, Activision, le patron, c'est Bobby Kotick, et il a fait plein d'annonces toujours bien. Ah, lui, il est balèze dans son style. C'est lui qui a. Enfin, vas-y, je te laisse. Je te laisse expliquer. Bon, donc. Activision, c'est bizarre déjà. Donc, Ouais, Activision, bizarre. Il a dit ça à une conférence avec la banque Merrill Lynch. Il a dit qu'il trouvait que dans StarCraft 2, il y avait 1h30 de cinématiques. Mm-hmm. Qu'elles étaient magnifiques. Qu'elles étaient très bien. Et qu'il pense qu'il pourrait les enlever du jeu, les vendre 20 ou 30 dollars, et que les joueurs le feraient. Tu jouerais, à chaque fois que tu arriverais au moment d'une cinématique, ben, si tu la veux, tu vas acheter. Mais tu peux quand même continuer le jeu sans... Ouais, tu peux, mais tu n'auras pas de cinématique. Mais dans certains jeux, c'est par exemple Mafia sans cinématique... C'est de l'empubage en plein jour. Ah oui, totalement. C'est ça que je dis qu'il est fort. C'est pour ça que je dis que ce gars-là est très très très fort. Mais c'est un vrai connard. Ouais. Ah bah il a l'air, ouais. Sinon, EA va vendre... Oui, EA aussi. Mais ça, c'est déjà sûr, mais ils vont vendre le fait que si tu veux jouer en multi, tu l'auras gratuitement si tu achètes le jeu neuf. Mm-hmm. Mais si tu veux si tu l'as acheté d'occasion et que le code a été utilisé, faudra que tu repayes 10 euros, 10 dollars pour pouvoir jouer en multi. Ça, c'est plus pour casser le marché de l'occasion qu'autre chose. le marché de l'occasion, ils n'aiment pas forcément. Non, bah non, Sony le déteste particulièrement. Ils ont pure perte sur le marché de l'occasion. Sony, il a horreur de ça. Ils font tout contre. Voilà, l'annonce de Activision. Oui, c'est ça assez, fait peur. C'est couillu quand même de lâcher ça. Et pourtant, tu sens qu'il pourrait être capable de le faire, c'est ça qui fait peur. Ce qui fait surtout peur, c'est que des gens pourraient lâcher leur thune pour ça. Quoi. Oui, c'est que les gens se laisseraient faire et payeraient pour... À mon avis, je pense que la plupart pirateraient les vidéos, quoi. Ouais. Mais bon, c'est... Et c'est pas pour ça qu'ils vendraient leur jeu moins cher, bien sûr. Ah bah non. Non, non, tu penses... StarCraft, ils l'ont coupé en trois, les campagnes. Oui, il y a des... Oui, il y a une campagne... Terran, la campagne Zerg. Bah, le premier, il était coupé en trois. Non, il y a trois jeux. Le premier jeu, le en solo, tu as la campagne. Dans le jeu. Ouais. Bah là, c'est trois campagnes. Ce trois jeux. Et un pour la campagne des Zerg, un pour la... Quand je vous dis que c'est une industrie. Et ça, à la base, quand ils ont dit ça, les joueurs se sont dit, bah ils font ça comme... Parce que les campagnes de StarCraft 2 sont super bien faites. Mmh. Et ah oui, on génial. Comprend qu'ils ont mis du génial, temps ouais. dedans. Et donc, ils se sont dit, bah, on va sortir plus vite, comme ça, on n'a pas besoin de faire les trois campagnes. Mmh. Les races sont jouables en multi. Oui, voilà, en multi, tu joues tout ce que tu veux, mais en solo, tu n'auras qu'une campagne et chaque fois. Ils vont le vendre un peu moins cher, comme ça, mais non, ils l'ont vendu prix plein. Ah non, tu rêves. Donc tu sais que la campagne du prochain sera vendue prix plein, putain. Et la campagne du troisième, donc le donc jeu... Tu payes ton jeu trois fois plus cher que... Ouais, tu payes ton jeu 150 euros. C'est ça qui me dérange dans le développement de l'industrie. La plupart des gens qui achètent StarCraft, ils l'achètent pour surtout. Le multi. Hein. Ouais, je veux dire, au pire, t'aurais jamais eu ça il y a 5-6 ans. Oui, non, d'accord. Même sur film et autres, ils s'est trouvé, mais non. On télécharge beaucoup plus vite, donc ils peuvent se permettre de nous filer des DLC qui font 1 giga et ça les ennuie pas, quoi, parce qu'on À quand le film aussi, le film que tu achètes en DVD où tu dois payer la scène finale et quand t'en as plusieurs... À quand, franchement ? Ça arrivera un jour, je serais pas étonné. Le DLC, ça a commencé... Bon, il y en a eu avant, hein, mais les gens sont surtout été choqués quand Bethesda a vendu des armures pour cheval. Pour Oblivion, et c'était dans les premiers DLC vraiment d'un jeu massif, quoi, tu vois. Et les gens se sont dit non, mais c'est pas important, quoi, ça gêne pas. Puis on voit ce qui est arrivé quelques années plus tard, c'est pas si vieux, hein, Oblivion. C'est Oblivion, il y a 4 non, ans, 5 c'est ans. Pas. Je l'aime bien. Voilà, quoi. Maintenant, on est au point où t'es obligé d'acheter pour avoir le jeu complet, quoi. Alors, monsieur Chauve, je te fais du pied au passage. Oui. Autre chose, une autre question, un petit mot de clôture, quelque chose. L'industrie, on est d'accord. Questions, non. On n'était pas spécialement d'accord sur le fait que c'était de l'art, on pourrait en devenir. Agriculture, on n'est pas d'accord, mais. Si, sur culture, on a plus ou moins d'accord. On est proche, quand même. Jouer sur les mots, mais. On est proche, mais c'est. Voilà, c'est. De compréhension c'est notre du manière terme. De voir le jeu vidéo qui est plus. Moins objectif. Non, mais. Vous êtes plus dedans. Ouais, on est voilà. plus dedans et on connaît dedans. Mieux, donc on voit pas de la même manière. Ouais. Bah, sur l'art, oui, non, on n'était pas tellement d'accord. Moi, je maintiens que c'est une sous-culture et pas une culture. La culture est quand même vachement plus globale. C'est ton opinion. Nous la respectons. C'est une manière aussi ouais, de voir. Je vois pas ce qu'il y a à discuter. Tu te dis que tu ça... es quoi en premier tu on, verra, on verra sur le forum si des gens en discutent. Ta culture, tu penses mais que les gens c'est... qui écouteront ce podcast ne sont pas objectifs non plus. Ta culture, tu penses que c'est quoi en ma premier. Culture tu te définis comment belge non comme européen occidental oula tu vas encore plus aller chez l'autre ah bah, tu es citizen of the world non je suis d'accord avec lui je me dis européen aussi avant de voilà. Bon, mais tu vois je préfère me dire européen puis joueur avant d'être belge quoi. Je non, j'irai pas jusque pas là moi. Moi j'irai pas quand t'es même. T'es belge donc tu parles français. T'as un mais lui non non attends. Stetson est américain. N'oublie pas Stetson est américain. Mais t'as aussi un système de valeurs qui découle de la culture européenne occidentale et plus particulièrement belge. Ouais mais j'ai dit européenne. Mais belge quand même. Tu peux pas dire de culture joueur. Ça je suis pas d'accord non plus. Ça englobe beaucoup trop de choses. Il suffit que la façon dont tu t'exprimes ou ton accent, la façon, ou voilà, n'importe la, quoi. La façon de dire non, non, le truc c'est belge. Ouais, je peux dire oui, non, mais 70. Hein, d'accord, bien. je sais que tu peux le dire. Bah, mais... tu dis 70, bah, t'es culture française avant d'être culture joueur, et voilà. Ça change que dalle. Mais, pour moi aussi, c'est quand pas même. Que d'être dans une culture belge, ni dans une culture d'un pays. Donc voilà. Si. C'est inconscient une culture. C'est pas comme ça. Tu baignes depuis tout petit, donc tu ne peux pas. C'est pas comme ça que je me définis. C'est pas comme ça que tu te définis, mais c'est ce que t'es quand même. Enfin bon, ça c'est encore un concept plus... C'est vaste comme concept. Oui, le concept de culture, c'est super vaste, c'est pour ça que je disais que le jeu vidéo c'était pour moi, t'es un peu petit européen, pour être... belge, wallon, ce genre de choses, avant d'arriver à Gamer, pour moi c'est quand même... Tu vois peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça que ça est malgré tout, donc... Là je rejoins notre ami Chauve pour ce... Avis différent. C'est parti du débat. Ouais, mais ça peut clash, discuter, clash, mais finalement... Clash, clash, fight, fight. Non, mais demander à n'importe quel sociologue ou quoi, qui, sans vouloir te dénigrer, est plus cultivé que toi, il te dira que, voilà, tu as tout un nombre mais y a de beaucoup cultures de et de... Il y a beaucoup de sociologues qui considèrent le jeu vidéo comme une culture. Oui. Et je dis ça, je dis rien. C'est aussi, c'est vaste, c'est vague, parce que y a moyen de jouer sur les mots culture. C'est une sous-culture importante, hein, j'ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, j'en fais un peu partie aussi, hein, donc... Mais... Une culture, non, c'est trop vaste. Peut-être dans 50 ans, quand on aura vraiment évolué à ce niveau-là, mais sinon, vers ça, non. Donc voilà, on arrive au bout de la... De ce petit débat, alors. Du machin, là. Du machin. On est à 30-44. Donc, n'est-ce pas? C'est donc, bon, Nicolas nous fait des signes, arrêtez, s'il vous plaît. Kirby, je suis le maître du chronomètre, désolé, monsieur Stetson, monsieur Julien. Donc étant donné que le père Foura a décrété que... Le débat se terminait, mais Stetson va aller plonger dans la Meuse. Je crois qu'on a fait le tour et que... Pour aller chercher la clé. Et qu'on était vaguement d'accord, mais pas... Comme dirait un site internet que j'ai consulté cette semaine, quand Chuck Norris ne résout pas l'énigme Père Foura, c'est le Père Foura qui plonge chercher la clé. C'est une excellente conclusion. C'est une excellente conclusion pour notre débat. Merci, bonsoir. Nous allons donc passer maintenant à la rubrique du petit jeu. Donc, je vous ai préparé un petit quiz et un blind test, donc il va y avoir de quoi faire. Voilà, donc on va passer maintenant au jeu de ce petit podcast. Oui. Donc habituellement on fait blind test. Tu vas gagner, oui, je me doute. Tu vas gagner, ça c'est logique. Je suis pas sûr. On va voir. Mais sur les questions peut-être pas. Donc il y a deux parties en fait. Je vous explique. La première partie, ça va être un petit quiz pour fêter les 25 ans de Mario. Mm-hmm. Donc le principe, c'est que je pose une question. Vous devez obligatoirement attendre la fin de la question avant de répondre. Ouais. Si vous répondez avant, vous êtes éliminé. Vous avez le droit de faire une proposition. Si vous faites une proposition et que ce n'est pas la bonne, vous devez vous taire et c'est à l'autre de faire une proposition. D'accord ? Mm-hmm. Donc d'accord. Ça c'est le principe du jeu. Et comme après, question pour un champion. Voilà, en quelque sorte. Je prends la main, Julien. Alors ensuite, donc ça c'est le premier jeu. Il y aura un gagnant qui gagnera donc le point de ce jeu-là. Après, il y aura un petit blind test de musique 8 bits avec des génériques, des thèmes de films en 8 bits. Mm-hmm. Donc pareil, je lancerai le son et vous devrez faire des propositions. Là, les propositions sont ouvertes. Vous proposez jusqu'à trouver la bonne réponse. Les points sont cumulés avec le premier jeu. Alors justement, j'ai décidé de faire autrement. Uh-huh. Le premier jeu, le gagnant a le point de ce jeu-là. Le deuxième jeu, le gagnant a le point de ce jeu-là. Si chacun d'entre vous a gagné un jeu, vous êtes à ex aequo. Uh-huh. J'ai méga banco sur les deux jeux. Okay. À chaque jeu, j'ai un banco. À chaque jeu, j'ai un banco que vous feriez ex aequo à la fin. Et après, j'ai un méga banco pour les deux jeux en cas de mais maison. On gagne quoi? Toute mon estime, toute ma considération et une bite dans le cul. Je suis généreux. Évidemment que je gagne. Voilà, donc vous êtes. C'est bon, vous avez compris le principe, vous êtes chaud? Oui, c'est pas très compliqué. Non, exactement. Donc. Alors je vais vous montrer, j'ai fait une petite mise en scène sonore histoire de. de commencer tout ça. Vous m'en direz des nouvelles aussi. Donc c'est parti alors pour la première question. Ah oui! J'appelle un ami! N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Terrible. Bien cherché, hein? Bon. Alors, première question. Donc, n'oubliez pas, une seule réponse. C'est vous faites une mauvaise réponse. Si vous faites une réponse mauvaise, vous devez vous taire jusqu'à l'autre. C'est en fait de la pute. La première question, je vais la poser. Je vais la poser. Non, vous l'aurez tout le long. Alors, la première question, je vais la poser. Et en fait, vous aurez droit donc à faire une proposition. Si vous faites la proposition est bonne, c'est 2 points. Si vous ratez tous les deux, je vous donne 3 choix. Ouais. Choix multiple et là ça ne sera plus qu'un seul point. Et là c'est le plus important. Mais c'est comme j'ai dit quoi, vous faites une proposition, si elle est mauvaise, vous vous taisez, c'est à l'autre de faire la proposition. Et c'est ouais, plus mais rapide. Une fois que tu as cité les 3, c'est plus rapide. Et on doit attendre que tu cites les trois ou on peut aussi dire des... Non, vous devez attendre. Vous devez attendre, vous devez que j'arrive au bout. Ça va? Vous avez compris? Oui, on a compris. Alors, première question. Donc c'est sur Mario, je le rappelle. Oui. Quel est... C'est le petit. Vous êtes prêts à bondir sur le micro? Quel était le premier nom de Mario? On peut utiliser Wiki. Non. Fermez vos ordinateurs. Pas de triche, s'il vous plaît, ce serait dommage. Alors une proposition. Le premier nom de Mario. C'est quand même une proposition? C'est deux points si vous faites sans les propositions. Avec la proposition, je sais pas. Aucun de vous deux? Là c'est au plus rapide. Là. Voilà, mais je dois avoir fini les trois. Mm-hmm. Attention, vous n'étiez pas avant. Alors. Ça me fait pas rire toi. Alors, Topman. Comment? Topman. Topman? Jumpman. Pipeman. Jumpman. Topman. Non, il fallait attendre les propositions, mais comme vous avez fait une proposition, c'est Chauve qui a raison. C'était Jumpman. Et j'ai attendu, hein. T'avais à peine dit la dernière. Vous voyez que je me suis investi dans l'environnement sonore, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Ça. Alors, un point pour Chou. On passe donc à la deuxième question. Il y a combien de questions? 8. Enchaîne. Désolé. Je trouve que la musique donne bien, personnellement. Ah, c'est clair, ça va. Alors, ah oui, petite précision pour la question d'avant. Il apparaît pour la première fois en 1981 dans le jeu Donkey Kong, où il doit sauver la princesse du méchant singe, sous le nom de Jumpman. D'ailleurs, Nintendo s'est ramassé un procès de Universal parce qu'ils avaient, entre guillemets, selon eux, plagié le personnage de King Kong. Ça, c'est pour l'anecdote. On peut faire de ça, aussi. N'est-ce pas? Oui, mais tu dois payer Universal. Avec les industriels, tu payes des licences pour un peu tout, mais bon. Bon, deuxième question. Donc, soyez prêts. Cette fois-ci, elle vaut juste un point parce qu'elle est facile et ce sera vraiment plus rapide. Mm-hmm. Mais attention, je serai intransigeant, il faut attendre la fin de ma question. Okay. Vous êtes prêts? Mm-hmm. Quel est le nom de son créateur? Miyamoto. Oups. Rapide, hein. Non, il était toujours plus rapide. Deux points pour Chou. De toute façon, on sait bien qui va gagner. Bon, non, tu pars déjà vaincu, ça ne va pas. J'adore les effets sonores d'enchaînement. En plus, les deux sont enchaînés. Le jingle de début de question et la musique là, c'est je les enchaîne. Il est fier. Ouais, je suis content de mon effet. Non, bah, c'est bien trouvé, non? Ouais, moi, je m'investis, moi, monsieur. Ouais. Comparé à mon blind test de la dernière fois. Alors, cette question-ci, je vous explique, elle a aussi des points particuliers. Je me suis un peu... Parce qu'il y a au moins des règles un peu universelles dans ce jeu. Non, j'ai fait des points en fonction des questions, en fait. Ah, t'as bien. Alors, ici, c'est une question... Je vais poser la question, en fait. Et alors, dans cette... Il y a trois choses qui sont reprises. Il y a trois choses que vous devez m'expliquer. Si vous parvenez à expliquer les trois choses sans que je les cite, vous avez un point bonus. C'est un point par chaque chose que vous expliquez, un point pour chaque chose que vous avez détaillé. Plus un point bonus. Plus un point bonus si vous l'expliquez, c'est une proposition. Ça fait 4 points. Ça fait 4 points. Si vous devez avoir des propositions parce que vous ne savez pas quelles sont les trois choses en question, bah, c'est un point par explication de... Mm-hmm. Ça va, vous avez suivi? Ouais. Vous êtes un peu confus, mais vous allez voir en attendant la question. Mm-hmm. Alors d'abord, je pose la question. Prenez bien la fin. Quelle est la raison du look de Mario? Et il y a 3 points à m'expliquer. 3 points? Alors vous pouvez déjà, si vous en expliquez un, vous avez déjà un point de vue, si vous l'expliquez sans proposition. Il y a une raison particulière à chaque chose de son look. C'est un italien, donc il a une moustache. Ça, la moustache, c'est pas pour ça. La moustache est une raison, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'il est pédé. Merci Stetson. Je crois que je vais faire une proposition, ce sera plus simple, je vais faire les différentes choses à expliquer. La première chose, c'est la casquette. Pourquoi est-ce qu'il y a une casquette? Il est plombier. Tu as eu tort, c'est pas ça la réponse, donc tu te tais, c'est à Stetson. Pourquoi une casquette? Pourquoi une casquette? Il est chauve. Non plus. C'est plus facile à dessiner. Stetson, tu as proposé les chauves, désolé, tu dois te taire. T'avais deux choix là. Donc, je vais l'expliquer, parce que mon jeu est échoué sur celle-ci. C'est en fait parce qu'à l'époque, avec la technologie, dessiner des cheveux selon les méthodes est trop compliqué. Voilà, tu avais raison, c'était trop difficile à faire. Surtout que Mario court tout le temps. Non, mais j'ai dit juste après. Surtout que Mario court tout le temps, donc les cheveux au vent, en 8 bits, c'est pas réalisable. Alors deuxième chose, c'est la salopette. Pourquoi Mario a une salopette? fait, il est devenu plombier parce qu'on lui a mis une salopette. À la base, il était charpentier, et avec la salopette, ils ont trouvé qu'il ressemblait à un plombier. Donc la raison, c'est pas ça. Ne cherchez pas là-dedans. C'est une autre raison. Pourquoi est-ce qu'il a une salopette? Quelqu'un a une proposition? Pour cacher sa boule de feu dans sa poche. Non, bien essayé, joli. Ah, bel essai. Fan de générique. Fan de générique. On va mettre les piles. Ouais, je sais, mais si je répète, ça répète les autres. Enfin. Je n'ai aucune idée. Parce que c'est plus confortable. Bon, alors en fait, c'est un peu une raison technique. C'est parce qu'en fait, à l'époque, pour arriver à discerner ses bras dans la mat pixel, il fallait qu'ils soient une couleur différente du reste du corps. Donc, voilà pour l'explication. Et alors là, dernière chose, mais là, vous avez sûrement, à mon avis, un peu plus rapide, parce que c'est loin un peu. La dernière chose, c'est la moustache. Discerner la moustache. La bouche, ouais. Si tu veux. Ouais, c'est plutôt ça. C'est parce que c'était trop difficile de représenter une bouche. Ça faisait trop gros, et donc ils ont fait une moustache pour découvrir au pixel plus facilement. Donc on va accorder ce point-là à Stetson, tu es d'accord, Sean? Ouais, je suis d'accord, mais il a quand même fait 2 points. Stetson 1 point, Chauve 2 points. Il a moins qu'il répète. Ah, c'est que ça veut dire que j'ai 2 points, là. C'est générique sans balle, non, t'as 1 point. Ouais, mais j'ai 2 points, vu qu'il y a eu 2 fois de... Merci, Chauve. Merci, Stetson. Donc c'est 2-1 pour Chauve. Il reste combien de questions? Ouais. Alors... il y en a des plus faciles, ne te casse pas. Des plus originales aussi. Hein? Quel était, attendez bien la fin de la question, quel était, à l'origine, le nom de la princesse Peach dans les premiers Mario? Daisy. Non. Merde. Cette zone à toi. Tu proposes, et puis si tu ne peux pas, je donnerai les propositions. C'est 2 points sans proposition et 1 point avec. Propose. Donc là, ce sera 1 point. On attend la fin des propositions. Je suis à transition. Ouais. J'aime être transition. Alors, princesse. Coupe Castle, Princesse Bowser, Princesse Toadstool. Toadstool. Bien joué, Sean. J'ai dû le lire une fois dans ma vie, et inconsciemment ça restait, mais j'en savais rien. T'avais pas pris le livre de... Si, mais j'ai toujours pas lu. Enfin si, j'ai lu les 40 premières pages quand on dormait dans l'hôtel, et puis j'ai lu d'autres trucs et j'ai... Donc j'ai 5 points là, non 4 points. Là tu as... Ah non, j'ai 3 points. 3 points, Stetson. Ouais. Stetson, et encore 11h10. 3 questions. Donc tu as encore la possibilité de me dépasser. Donc celle-ci encore 2 points sans proposition, 1 point avec. Comment s'appellent les espèces de tortues ennemies de Mario? Koopa. Trop vite. Chauffe 5 points. Je crois que Chauve va prendre une grande avance. Ah, encore un problème de générique. C'est le répit. Problème technique. Félicitations Chauve, 5 points. Merci Chauve. Là je tire mon chapeau quand même à Chauve. J'avais même pas besoin d'arriver au Super Banco. Pourtant j'avais un générique exprès pour le Super Banco. Mais j'utiliserai pour les dernières questions, j'utiliserai. Ouais, je ferai le Super Banco pour le fun si je gagne. Alors, 6ème question. Donc c'est 5-1 je rappelle. Celle-ci vaut 2 points. Juger que... Les autres. Non, là, les propositions sont là. Okay. Alors, donc, écoutez jusqu'au bout toutes les propositions. Quel sport Mario n'a-t-il jamais pratiqué? Ouais. Alors, attendez les propositions, parce qu'il y a un petit paquet. Alors, écoutez jusqu'au bout. Je ferai signe quand vous pourrez répondre. Basketball, baseball, bobsleigh, danse, volleyball, billard, karting, golf, football, kayak, tir à l'arc. Tu peux répéter. Cette sonne déjà une erreur, désolé, à Chauve de proposer. Alors, basket, baseball, bobsleigh, danse, volleyball, billard, karting, golf, football, kayak, le tir à l'arc. Billard. il a fait un paquet de sports. Ouais, Bobsleigh et Sonic. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, ouais, pour ton information. C'est ça que je me suis dit, je l'avais vu, mais ça... Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Pour le coup. Tire à l'arc aussi. Tire à l'arc aussi, ouais. Ça fait 7 points pour Chauve, 1 pour Stetson. Ah oui, il n'y a pas besoin de le répéter. Stetson, je crois que... Rétends ta mère, mon La dernière question, c'est 2 points sans proposition, 1 point avec, donc à mon avis... C'est... Non, non, c'est sur l'égalité. C'est seulement si vous étiez l'égalité. On fera pour le fun, mais ici... Bon, dernière question pour l'honneur, alors Stetson. Donc on attendait à la fin. Quel jeu Mario est le plus vendu dans le monde? Mario Kart. Non, Super Mario Bros. Le premier. Ah. Bravo Stetson! Il a beaucoup plus en fait dans le jeu. Là, il faut savoir, petite anecdote. Petite anecdote en passant, comme ça je l'explique. Super Mario Bros. Était jusqu'à fin 2008 le jeu le plus vendu de tous les temps avec plus de 40 millions de cartouches. Il n'y a que Wii Sport qui l'a détrôné. Ouais. Étonnant, hein. Mais c'était le jeu le plus vendu. Bien joué Stetson, franchement pour le coup. Dans les propositions il y avait Super Mario Kart effectivement. Il y avait Mario 64, Mario Galaxy, Mario Kart et Mario Super Mario Bros. Pardon. Donc tu l'aurais trouvé à mon avis. Alors on va passer au... Bon, Chauve a gagné mais on va faire le Super Banco pour le fun. Avec le générique dédié au Super Banco. Musique angoissante. Bon, là, c'est vraiment pour le sport, hein, peut-être ça, parce que c'est bien que Chauve a le point de ce jeu-là. Alors, c'est une petite anecdote qu'il faut que vous m'expliquiez. C'est pour ça que c'est un super banco, parce que la question est quand même particulièrement... Comment Jumpman a-t-il changé pour devenir Mario? A-t-il pris le nom de Mario? Là, tout de suite, là. C'est une anecdote? Bah, faut c'est... le connaître, quoi, faut le ouais, savoir. Ouais, il faut le savoir. Et t'as des propositions? T'as des indices? Des propositions. Réfléchis déjà si vous avez une idée quelconque. Parce que Mario c'est plus universel que Jumpman. Non. Je réfléchis. Mon indice ça concerne le patron de Nintendo of America. C'est lui qui a trouvé... Je sais plus qui c'est passé. Vous en savoir qui c'est. La question que tu as. Alors, je vais faire les propositions pour les deux, parce que de toute façon c'est pour le fun ici. Alors c'était le nom A de son fils, B du propriétaire des lieux, C du vidéo préféré. Son fils. C'était le propriétaire des lieux. Désolé. Et quel lieu? Les lieux de Nintendo of America à l'époque. Le propriétaire s'appelait Mario Segali. Et il a trouvé qu'il ressemblait à Jumpman, donc il l'a nommé... c'est glorieux, tu vois, tu ressembles à Mario. Alors, je déclare Chauve vainqueur. Ouais. Mais c'était pas de gagner des millions. Hein? T'as pas gagné des millions. Ouais. La gloire est suffit. Non, si, n'en faites pas trop, n'en faites pas trop. Bravo Chauve, bravo, bravo, bravo. On applaudit. Non. Ouais, c'est moi, connard. Donc voilà, Chauve a gagné le premier jeu, donc le point de ce jeu-là est pour Chauve. Donc là, on va faire le deuxième jeu. Si Stetson gagne, on aura un méga banco qui départagera les deux jeux. Il y a peu de chance sur un blind test, hein, mais bon, on va essayer. Donc, je rappelle le blind test. Les règles, bon, vous les connaissez. C'est hein. Oui, vite. Et voilà, ce sont des génériques de séries, dessins animés ou films, plus de films pour le coup, j'avoue, en 8 bits. Donc le premier qui, au moment où la musique se lance, le premier qui dit le nom correct a gagné, vous avez autant de propositions que vous voulez. Ça marche. Accroche-toi à ton slip, connard. Alors, je vais mettre un petit compteur tout de même pour les points. Si je le trouve... Bidule. T'as fini de m'appeler mon chien pendant... Bah quoi? Pendant les enregistrements, toi? Il a l'air tout malheureux. Personne ne s'occupe d'aller. Alors, Chauve... Je suis sûr qu'il le fera. Hein. Ouais. Et Stetson. Voilà. Note bien que je lui ai éclaté sa mère par un score de 7 à 3. Là, effectivement, je dois avouer qu'il t'a vraiment laminé, là, Stetson. Ouais. Tu devrais être déçu. Tu devrais aller te cacher, parce que moi, je suis pas un geek. Mario, c'est pas ta spécialité, c'est ça? Bah, moi non plus. Bon, alors, Mais tu vas beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai toujours. Vous êtes prêts? Un temps de latence, tu vois. Attends, je vais quand même prendre. Je viens de penser à un détail. J'ai oublié de prendre sous les yeux la liste justement du blind test. Voilà, c'est mieux comme ça. Que je sache quand même ce qui passe. Je n'ai pas un peu de temps à le reconnaître en même temps que vous. Voilà. Vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes chauds? Ouais. Chauve, tu es prêt à laminer Stetson? Bah, je suis prêt à jouer. Comme de bon aloi, n'est-ce pas? Je suis sûr que t'avais Wikipédia, en fait, pour Mario, en fait. C'est ça. Rien hein. À voir. C'est ça, il avait Wikipédia, le salopard. Ouais, Google. Non, franchement, vous m'auriez vu taper sur mon clavier. Bon, bref, on va pas... Allez, vous êtes prêts? Et puis, vu comment j'ai dit Koopa, 3 dixièmes de seconde après qu'il ait tiré... C'est vrai que Koopa... Google rapide, hein, maintenant, il veut le savoir. Appuyer sur charge. Koopa, il veut le savoir. Mais je rigole. J'avoue qu'il y a un Toadstool, tu l'as vu sûrement dans le premier Mario, parce qu'elle s'appelle comme ça, le premier Mario version possible, européenne. Je le savais, mais c'était plus dans à la fin, ça apparaît comme Toadstool. Toujours réinscrit quelque part, mais voilà. Bon, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui, boîte à gorgée. Voilà. Je suis prêt. C'est parti. Mission impossible. Putain! Stetson. Évidemment. Bien joué. Bien vu, t'as été plus rapide. Je l'avais, je cherchais le nom. Ouais, je ça donne bien au 8-bit. Hein. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien le 8-bit. Moi j'aime bien la musique 8-bit aussi, oui. Vous êtes prêts? Ouais. Donc Stetson un point, Stetson mène, attention. Stetson va-t-il gagner un jeu? Stetson va-t-il gagner un jeu? Attention, seconde musique. Rocky. Ouais, Rocky. Bravo Chauve. Je me dis c'est le ouais, début est... un petit peu plus le volume, c'est possible. Oui, en même temps que ça sature quand même, parce que... Ça sature vite en fait. Ah, juste un peu. Je cherchais mais j'ai pas reconnu quand il a dit que Rocky... Du début, mais... C'est ça qui est chiant. Ta mémoire que je vous découvre. Allez. Troisième extrait. Ah, c'est bon. Ouais. C'est parti. Jason. Joli. Joli coup. C'est joli, il y a la musique 8-bit quand même. Bien, j'aime bien. Là, tu me files. Ouais, mais j'ai une petite collection là, j'aime bien. Et je pensais d'ailleurs varier les génériques du prochain podcast avec ça, mais... On va rester un peu à tourner. Ah non, je crois que c'était... Bon, soit. Je voyais la difficulté va aller croissant, là, c'est encore... C'est simple, ça augmente un petit peu au fur et à mesure. Même si ça reste très simple, ça augmente. C'est pas si simple que ça, hein. Non, c'est pas si simple que ça, mais ça augmente encore un peu plus la difficulté après. Bon, vous êtes prêts pour le quatrième morceau? Mm-hmm. Ça sonne, ready? Oui, Ghostbuster. C'est quoi? Lee, Ghostbuster. Ah. Il a une meilleure mémoire que toi, maintenant, je pense. Voilà. Je pense que Shaw a une meilleure mémoire que toi parce que... Ouais. Pour les gens qui ne nous voient pas, on voit Stetson avec la main sur la bouche qui sait ce que c'est, mais qui ne parvient pas à le ressortir. Chauve est généralement un peu plus rapide, d'accès plus facile à sa mémoire. Peut-être parce qu'il y a moins là-dedans. Oui, parce qu'il y a moins de choses dedans, sans doute. Je retrouve plus facilement les choses dans ma mémoire, parce qu'il y en a moins. Alors, Chauve, 3 points, Stetson 1. Félicitations, Chauve. Merci. Chauve, va-t-il tout gagner ce soir? Ah. C'est fort probable, n'est-ce pas? Je vais me repartir avec la femme de Kirby. Elle est pas là, mais c'est pas grave. Non. Attention. Cinquième extrait, c'est parti. Je connais pas ça. Ah mais si, attends. Putain. Merde. Je suis sûr que vous connaissez. Ouais. Ah oui, je connais. film. Non, non, c'est pas un film. Si, si. À la base, non, mais c'est un film. Oh merde, tu connais, mais... La musique qu'on entend, c'est celle du film, d'ailleurs. À la base, c'est pas un film. C'est un indice que je vous donne. À la base, c'est pas un film. Mais la musique est celle du film. D'ailleurs, c'est un aveu au passage. Putain, c'est énervant, ça. En tout cas, tu m'étonnes. Quoi ? Que je trouve pas ? Ouais. Allez, c'est quoi, putain ? Elle dure 3 minutes, hein, vous avez encore du temps, mais... C'est un... Ah putain, pas d'âge. C'est, ça vient d'un jeu vidéo. Exactement. C'est Street Fighter ou Mortal Kombat ? Mortal Kombat, voilà. C'est ça à trouver. Mortal Kombat, show. Fatality. Ouais. Mortal Kombat ! Il a dit Street Fighter ou Mortal Kombat... Ouais, bon, j'ai dit autant de propositions qu'on veut sur ce tour-ci, ouais. Hein, sur ce jeu-ci. Donc, cette somme 2 points, chauffe 3. L'écart se resserre. Mais alors là, c'est vieux, quoi. Pas les repousser loin. Non, j'aurais jamais dit ça. Mais je sais, mais le but, c'est justement de vous faire pousser dans les retranchements. Vous êtes prêts pour le suivant ? Mm-hmm. Ouais. Vous êtes chaud ce soir ? Parce que Baptiste est chaud ce soir ! Attention, sixième extrait. C'est un Mario, ça, non ? Non. Les Simpson. Voilà. Les quoi ? Les Simpson. Ouais. Ouais, il fallait attendre le début du générique. Toujours, hein, ça. Ouais. Le blind test, c'est ça le principe de blind test. Mario, quand il nageait, tu vois, dans le premier... Ouais, dans le troisième. Ah, non, dans le premier, avec les pièges, ouais. Bon, bah, chauffe 4 points, Stetson 2. Attention, Stetson, hein, ne faites pas à distancer. Prêt pour le... On y va. Septième extrait ? Oui. Let's go one again. C'est toujours Star Wars. Ah. Ça marche, marche après rien. Voilà. Toujours quelques secondes avant. Il a un accès plus rapide, hein, c'est ce qu'on dit. Il a plus, de RAM que toi. Il prend les premières mains plus vite que moi. Moi, j'ai moins vu. Non mais lui il a plus de RAM et toi t'as plus de disque dur, c'est tout. C'est une oreille musicale. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Félicitations, chauve. Hey ! Bravo. Combien ça ? 5-2. 5-2, oui. Le V, ça, c'est la cabacille. Vous êtes prêts pour le 8ème extrait ? Ouais. Non, il y en a encore, il y en a 10. Si tu les gagnes tous, tu peux revenir. Voilà, faut que tu les gagnes tous les 3 qui suivent. Et là, on fera le méga banco de celui-ci et puis le super banco de la marketing. Bref, il te faut 5 réponses, bonnes réponses de suite. Voilà, pour arriver à gagner, t'es obligé de faire les 5 de suite. Vous êtes prêts ? Un bad request. Pardon. Let's go, voilà. South Park. Voilà. South Park. Ah ouais, je reconnais pas du tout là. Si, hein. Vous dites bonne journée. C'est vrai que c'est le seul qui ressemble moins à l'original de tout. Ben en 8 bits, c'est pas évident, hein. C'est... Ouais. Non, puis c'est surtout les dialogues que je retiens de South Park. Ben oui, on entend moins la musique, on écoute surtout les dialogues. Bon, ben je crois que c'est dit, mais pour le fun, on fera un super banco. Bon, allez, 9ème pour le fun alors, hein. Oh, c'était quoi ça? Je crois que je vais pas trouver ça. Quoique. Si, c'est machin, MacGyver. Voilà. Cette sonne, je suis désolé, mais là bon, 7 non, à, mais de toute façon, 7 à 2, c'est vrai que c'est. Pas au test, hein. Mais même au quiz, apparemment. Ouais. T'es pas un bon joueur, t'es pas un gamer en fait. Ça, c'est, tu vois, c'est ma culture générique. Alors, dixième et dernier. C'est une culture. Dixième et dernier, et je crois pour celui-là, sans trop m'avancer, que le point sera encore pour chaud. Mais bon. Heureusement. Ne le démoralise pas trop non plus. On sait jamais, on va voir. Ah, ça, quoi. Vous allez être étonné pour celui-ci, après. C'est quoi ça, les merdes ? Ah, c'est lourd, quoi, parce que je la connais aussi. Ah oui, c'est mieux que tu la connais. Et c'est parce qu'il adore particulièrement. J'adore ? Bah, je crois que t'aimes bien, ouais. T'aimes bien le compositeur. Alors, pourtant, l'intro, j'aurais cru que c'est l'intro qui... Bah oui, ouais, bah, évidemment, j'ai connu tout de suite, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Je repasse l'intro ? Donc je laisse. C'est un film ou une série ? Un film, je remets l'intro alors. C'est vrai qu'en 8 bits ça sonne peut-être pas pareil. Je sais ce que c'est, mais... Quand on le sait, on met en 8 bits. C'est de la musique classique, non ? Je ne connais pas ça, la musique non classique, personnellement. Si je vous dis le genre de film, ce sera trop facile, vous trouverez tout de suite. Si je vous dis le genre de type de film que c'est. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, le titre est composé de trois mots, surtout. Enfin, trois mots, il y en a plus, parce qu'il y a la génération. Si je vous dis, ça peut être trop... Bah, dis l'année, quoi. Peut-être trop facile. L'année, je ne la connais pas exactement. Vous avez chercher l'année, ouais. Si je vous dis l'année exacte, comme ça, peut-être que ce sera plus vague que si je dis une période. Attendez, je cherche vite ça. Ne regarde pas cette scène. De toute façon, franchement, l'écran... 1966. C'est Union Américaine, c'est bon, la Brigade du Triomphe. Voilà. Ah oui, je suis con, putain. Avec le 8 bits, quoi. Pourtant, je l'ai entendu, mais... Ça siffle et... Ouais. Laisse ton casque pour le fun, on fait le super banco et le méga banco de tous les bancos. Et si je le gagne, j'ai gagné. Non, que dalle, ouais. Attends, c'est 8-2. Mais le super méga banco, bon sang, quoi. Ouais, bâtard. Bon, ça, c'est le super banco pour ce jeu-ci. Hein, au cas où vous auriez été égalité sur ce jeu-ci, vous auriez eu droit à ceci. C'est banco, donc c'est facile. Hein. Ça me dit quelque chose. À mon avis, ça vous dit quelque chose, vous l'avez entendu, c'est sûr et certain, mais pour le reconnaître en 8 bits, c'est une autre paire de manches. Vous ne trouvez pas, mais ça dure pas longtemps, c'est 1 minute 50. Donc si au bout d'une minute 50 vous n'avez pas trouvé, je donne un disque qui, à mon avis, vous fera trouver tout de suite. C'est très simple. Tout n'est pas bon à entendre en 8 bits. Non. Le début, ça me disait certaines quelque chose. Ouais, là, c'est moins. C'est un film américain, ça je peux déjà pas le dire, mais bon. J'ai quand même un peu que j'avais cherché du film russe et du... Je crois que la soupe au chou en 8 bits. Chauve, je suis sûr que tu connais. Ah oui. Ça se voit. Ah. Toi, t'as déjà entendu sûrement. Mais Chauve, il est là. On va faire assez drame, hein, Chauve, pour accéder à tout ça. Ah. Le début en vous donnant la liste, alors. Un indice très très gros, hein, comme une maison. Hein. Si je vous dis Arnold Schwarzenegger. Terminator. Voilà. C'est pas ce que je pensais, mais... Vous l'avez trouvé, hein. Ouais, maintenant que tu dis, ouais, si. Là, maintenant, le début, si, mais tu connais, là. C'est ce que je dis avec la musique 8-bit, c'est quand tu sais ce que c'est. T'as le rythme original en tête, tu le reconnais, mais... Sans, c'est ça qui est difficile. Ouais. C'est ça que j'ai aimé faire cette... Je n'ai pas dit ça. Alors, le méga banco de tous les bancos, c'était plus la touche d'humour qu'autre chose. Je vous préviens tout de suite parce que ce n'est ni un film, ni une série, ni de l'animation, ni rien à voir avec tout ça, ni un jeu vidéo. Mais pourtant, ça a été fait en version 8 bits. C'est vraiment mais oui, juste pour What is Love. Voilà. Jim Carrey, enfin Jim Carrey. Jim Carrey et ses deux acolytes. What is Love. Mais le Mega Banco c'était plus là pour le fun parce que je m'attendais pas à aller jusque là donc. J'étais sûr que Stetson nous lâcherait avant. Désolé Stetson mais. Non mais non, je crois qu'on peut dire victoire éclatante de chauve. Hein. Non mais il triche. Je triche quoi? Je triche que dalle ouais. Je regarde sur Wiki. J'ai culturé, ouais c'est tout. Il a Shazam plus Wiki là. Bah tu crois que Shazam reconnaît un Weebit? Ah c'est un bon avis. Stuff. J'ai Shazam, mais je crois pas qu'il reconnaît. Enfin, on fera le test après, de toute façon. Donc voilà, bah, grande félicitation à Chauve, alors, pour merci, ce petit test. Merci, c'est trop d'honneur. Ouais, on t'aime, Chauve. Chauve ouais, fais-moi l'amour, Chauve. Ouais, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Bon, bah, on va passer maintenant à la suite, donc aux deux dernières minutes, alors. Voilà, donc merci à tous ben, pour ce petit jeu. Donc ben, on va clôturer alors ce podcast. On s'excuse déjà pour la qualité du matin. On s'excuse pour la qualité technique parce que le jeu, malheureusement, aura une partie mais bien saturée. Si vous voyez comment la partie technique a été beaucoup mieux aujourd'hui. Au lieu de 3 heures de préparation, là, on a pris 10 minutes. Et encore 10 minutes pour causer de tout et de rien. Donc franchement, bon, ça allait, quoi. Voilà, à part la première partie, le quiz, le son saturera énormément malheureusement, mais je vais essayer de corriger le plus possible, mais je doute que j'y arrive. On va quand même la laisser pour pouvoir... Ouais, parce qu'on s'est bien amusé, en plus j'ai gagné, donc... Ouais, pour prouver que Chauve a gagné et que Stetson s'est fait laminer, effectivement. Bah alors avant de passer au petit tour de table finale, on va juste passer 2 minutes pour chacun parler d'une chose qui nous a plu dans notre petit mois de geek, dans notre petite semaine, enfin non, notre petit mois, parce que c'est tous les mois ici. Certes, oui. Donc, qui veut commencer? Stetson, Chauve Vas-y, je te laisse l'honneur, Chauve. Chauve, vas-y alors. Ouais, moi j'ai commencé à regarder, je sais bien que c'est une série qui a déjà presque 20 ans et que ça c'est déjà facilement 4-5 ans que je voulais la regarder et que j'ai seulement commencé il y a une semaine. J'ai commencé à regarder Twin Peaks. Il y a deux temps, effectivement. Oui, effectivement. Ça a fêté ses 20 ans, je crois, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est 90-91, je sais pas. Enfin bref, c'est chouette. J'aime bien. Donc voilà, je sais que j'ai énormément de retard, mais effectivement, ça fait au moins 5-6 ans que je voulais le regarder, donc finalement j'avais que seulement 13 ou 14 ans de retard à la place d'en avoir 20. Donc finalement, Et pour les auditeurs qui ont suivi le premier épisode de nos élucubrations radiophoniques, la stagiaire est revenue. Je n'ai pas encore revu, mais elle est revenue. Donc, mais j'ai une question à te poser, oui. Twin Peaks, tu sais qui a tué Laura Palmer? Ta gueule. Ça va, je ne dois pas le dire alors. Tu veux que je te... Ferme ta gueule. Non, tu n'as pas envie que je te spoil un petit peu. Tu fermes bien ta gueule. Ok, je me tais, ça va monsieur, d'accord. Voilà, pour moi toi, Stetson, tu sais qui a tué Laura Palmer? Ta gueule. Oui, on lui dit ou pas? Non, mais ferme ma gueule, non, ma gueule. D'accord, t'as quel épisode? Je sais plus, 9, un truc comme ça. C'est une ambiance particulière à Twin Peaks. Bah, c'est David Lynch. Je trouve que ça a quand même vieilli, mais que ça n'a pas trop mal vieilli. C'est pas atroce à regarder, voilà. Mais tu sens quand même un petit peu les coiffures et tout ça. Oui, oui, ça c'est sûr. Les coiffures des femmes particulièrement C'est l'époque, quoi. Sont décoiffantes. C'est comme quand tu regardes le début de Friends, tu vois les coiffures de... Si je sais pas, Friends, je regarde. Ah oui, non, si, le début de Friends, même Chandler, Joey, ils ont des têtes... De l'époque. Ouais, c'est très 90s. Hein. C'est symbole à l'époque. Hein. Mais bon, voilà. De même quand tu regardes des trucs comme Beverly Hills ou quoi. Hein, je sais que parfois j'ai beaucoup de retard dans ce que je regarde, mais. Oh non, mais moi je aussi. Finis je toujours pas de regarder quand même. Je rattrape des choses aussi qui datent de. Donc y a pas de soucis. Et moi, y a rien de spécial, donc je vais même changer d'avis. C'est la reprise de la NFL et des séries. Ouais, NFL. Ce que j'aime bien, c'est que Stetson nous dit juste avant d'enregistrer, je vais parler de la série Skins. Bah, Skins que je ne trouve pas si mal. Hein. Et juste après, il décide de changer de sujet et... Voilà. Ah, vas-y, exprime-toi. La NFL est revenue, Ozana. Donc, pendant, je sais pas, c'est 6 mois, non? Jusque février, début février. Ouais, début février. Nos dimanches soirs seront occupés. Et peut-être aurons-nous droit un jour à un podcast de vous deux sur le... Ah mais moi j'ai plein de sujets qui pourraient même intéresser pas mal de monde, même si ça... Pourquoi pas un jour, c'est assez vous vous connectez à Skype tous les deux et vous... Non, ce sera peut-être dans les cartons un jour alors. On peut même en faire un... en live ici. Ouais, t'as investi un peu dans le matériel. Le noob. Ouais, c'est ça quoi. Ce serait pas Lucas n'est pas le noob. Je m'appelle Chauve. On parle de tout. Chauve, excuse-moi. Attends, on a dit le nom de tout le monde. Je m'appelle Chauve. Le beau grec en face de moi. Je suis pas grec. Donc voilà, je suis content pour ça. Vu que le reste qui a commencé, c'est pas top pour le moment. Y'a rien d'extraordinaire. Hein. M'excusez, je vais pisser. Pendant mon... Merci, c'est gentil. Mal-toi, non mais ça va, j'ai compris. Ouais, mal-toi. Ça va, je chaud ouais. Ne m'aime pas. Allez, va pisser alors, salope. Va pisser que je ne te vois plus, comme ça je discute avec Stetson. Vas-y. Non, moi je voulais juste parler de petit animé que j'ai découvert récemment. Ah oh, bah ça y est. Bon, j'ai recommencé les animés il y a pas longtemps, donc... Attends, t'as arrêté. Moi bon, j'avais arrêté, je téléchargeais toujours, mais je ne regardais plus, je prenais plus le temps. Il s'appelle Giant Killing, et il parle de football. Football. Ça devrait te plaire, football, football européen, pas fiable. Oui, non, football européen, Olivier Tom, quelque chose d'autre. C'est clair. Le foot, c'est un sport de taper. C'est clair. C'est un sport de taper. Dis la personne qui a regardé les 128 épisodes d'Olivier Tom en une semaine. Et alors ? Je ne dirai rien à ça. Rien à voir. Non, mais je trouve que l'histoire est sympathique, c'est bien amené, bien tourné, c'est plus réaliste qu'Olivier Tom. C'est pas dur, on va dire. C'est pas un exploit. Tout ce qui est match est beaucoup plus réaliste, mais ça reste du manga et du gros shonen. Donc l'histoire, c'est un entraîneur qui d'ailleurs avait quitté cette équipe. En fait, c'est un japonais qui avait quitté son équipe il y a des années. Il les avait mis en première division, puis il les avait quittés. Et donc il se retrouve vraiment, c'est une équipe de merde, qui est reléguée tout en bas du classement. Et les grands décideurs de l'équipe décident en fait de rappeler cet ancien joueur, parce qu'entre temps il a été en Angleterre et il a repris un petit club de 3ème division qu'il a fait monter, et décide de le reprendre pour devenir l'entraîneur de cette équipe. Et on suit toute l'histoire. Ça ressemble un peu à Highfield 21 sur la manière des entraînements et des décisions de l'entraîneur, qui sont toujours un peu bizarres et on se demande où il va. C'est un peu comique. Un petit peu, mais moins qu'Highfield 21 quand même, hein, mais c'est dans le même genre d'esprit. Excuse-moi, t'es Van si tu veux. Donc voilà, je recommande, c'est une série sympathique à regarder. Giant Killing. Tuer le géant, donc le but c'est d'amener l'équipe à tuer le plus grand club. J'avais compris. Voilà, c'est de là. Donc voilà pour mon coup de cœur personnel. Donc maintenant, on va clôturer ce podcast par un petit tour de table final. Chauve, qu'en as-tu pensé? Comment ça s'est passé? De quoi? De ce podcast, qu'est-ce que tu as à dire? Déjà qu'on a mis 10 minutes à régler la technique, alors que d'habitude ça prend 3 heures. Ah, ça c'est déjà étonnant, ça a marché du premier coup. Qui éviterait de me prendre ma journée. Sinon, oui, non, c'est... Très fier pour la technique, moi je dois avouer que pour une fois, je suis content de moi. On commence à prendre nos marques, ne fût-ce qu'au niveau parlotte aussi, donc dans quelques mois, on sera parfaitement au point, on pourra commencer à se faire des femmes. Et gérer le timing, et on est vraiment... Ah, niveau timing, je trouve que cette fois-ci, on s'en est bien sorti. Ouais, qu'en penses-tu, Stetson? Ouais. Beaucoup mieux cette fois-ci. Même toi, tu m'as étonné, parce que d'habitude, tes avis sont très tranchés et très... Tu es un petit peu extrémiste sur les bords. Oui, pas du tout. Bah, tu. On doit avouer que cette fois-ci, je tire mon chapeau. Tu étais correct. Tu as été correct. Correct. Pas bien, tu vois. Tu étais correct. Tu es resté correct. Non, je te tire mon chapeau, Stetson. Mm-hmm. Franchement, le sujet sur la Gamescom, très. Tu très te rends compte du jeu de mots contenu dans Je te tire mon chapeau, Stetson? Oui, je viens de m'en rendre compte. En le disant, non, mais. Effectivement, bravo, jeu de mots. Ouh, calembour. Calembour. Calembour! Sinon, à part ça, Chauve, on peut te retrouver maintenant sur tout à fait. Ton nouveau blog, vas-y, balance. C'est quoi l'adresse déjà? Chauve, oui, voilà. Mais c'est chauve-land.net. Ouais, chauveland.net, donc un blog qui parle de... De tout, de n'importe quoi, et surtout de n'importe quoi. Surtout de n'importe quoi, je n'osais pas le lire, effectivement. Donc un beau bordel, à le consulter, si on a envie de passer un bon moment... À mon image. À ton image, d'entendre parler de navets et d'autres navets. Et aussi d'histoires de fesses. Et de nanars, accessoirement, mais... Et comment écris-tu chauve? Bah, comme chauve. Comme quelqu'un de chauve, tout simplement, c'est étonnant. Mais à l'heure où on parle pas ici, nos auditeurs pour des inquiétudes. Il n'est pas encore en ligne, cette adresse-là, je pense. Pas chauveland.net, non, mais il sera d'ici la diffusion de ce podcast. Donc, ça va. Il y aura quelques nouveaux articles parce que vu qu'il a été hors ligne pendant quelques temps, ça fait moins 3 semaines que j'ai rien posté. Alors Stetson, on ne peut te retrouver nulle part, je pense. Tu es l'homme mystère. Dans sa caverne avec ses potes talibans. On sera dégorgé un journaliste. J'ai déjà pris un samedi, ça fait un journaliste tué en moi. Donc. C'est qu'un journaliste par samedi? Tu me déçois. C'est un journaliste par jour. Oui, mais tu me déçois. Ah, bah... Je pensais que le samedi, t'en faisais plus vu que t'étais en week-end. On est généreux. Sinon, moi, on peut me retrouver sur kirbyland.net. petit blog aussi. Je parle aussi de tout et de rien, en fait. Enfin, surtout de trucs un peu geeks sur les bords, mais c'est surtout de rien, effectivement. C'est des petits sujets sur des choses qui m'ont marqué, qui m'intéressent. Sinon, pour le podcast, celui-ci, normalement, sera publié enfin sur iTunes, parce que le premier n'a pas été. Donc, celui-ci, il faut... Voilà. Vous pouvez également nous retrouver sur bg-show.be, donc bg-c-s-h-o-w. Ouais, show, quoi. Pas show, Mais je préfère le dire parce que j'ai pas un accent anglais, du tonnerre de feu, on va dire. Et la même adresse slash blog, il y a un lien sur le forum pour atteindre le blog en question. Vous pouvez suivre nos pérégrinations. Et venir commenter alors sur le podcast. Donnez-nous des avis, qu'on sache un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi que je suis beau, que je suis fort. Dites il y a une vidéo de lui où il danse. Voilà, il y a des vidéos sur le blog, vous pourrez nous voir. Une vidéo de moi où je danse Sur le blog, oui. La vidéo de bande-annonce avec toi en train de danser. Tout à fait, je vois. Je te le montrerai après. C'est quoi l'adresse ? Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur ce site. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, ça nous aidera à évoluer. Lâche des cons. Lâche tes com, quoi, vas-y, yes. Qu'est-ce que tu veux que je dise à part lâcher des commentaires ? Wesh, wesh, lâche tes com, mon gars. Commentaire. Oh, n'hésitez pas à commenter si tu veux. Lâchez vos com. Voilà, je sens que ces deux extrémistes sont à bout, qu'il est temps de clôturer l'enregistrement. Lâche tes com, vas-y, mon frère, lâche tes com. Ou quoi ? Donc. Rien ou quoi ? Lâche tes com ou quoi ? Sur ce, je vais vous dire au mois prochain, alors. Le prochain podcast paraîtra très certainement en octobre, maintenant qu'on a rodé un petit peu plus la technique. Et seulement si tu lâches tes com. Pour la musique. C'est pas de com, on revient. C'est vous. C'est pas de com, moi je reviens plus. Hein. Je me tape sans borne. 200 aller-retour. Je sens que je vais faire rêve du podcast, je vais arrêter. Non, mais pour Chauve, pour clôturer, donc la musique de clôture, c'est toi qui l'as choisi cette fois-ci. Oui. Et vas-y, donne-nous le titre de cette musique. Attends, parce que. Qu'on sache quand même, plus, que les auditeurs sachent ce qu'ils écoutent. Je n'ai plus ici. Donc, parce qu'il y a un taliban donc, et un en fait, hein. En fait, j'étais parti sur une petite chanson. Un peu cul d'un groupe qui s'appelle Gronibar, mais je la retrouve plus. Donc j'ai pris un petit chant nazi, enfin nazi pas forcément, mais qui s'appelle Panzerlied, qui était le chant de marche des divisions blindées allemandes. C'est assez guilleret, c'est en germain, c'est plaisant. Voilà, donc on vous laisse écouter alors ce magnifique petit chant nazi de Monsieur Chauve, et on vous dit alors au mois prochain. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir et lâchez comme. Obstürmt oder steigt, und die Sonne.